papi, papi, ven a mí. Ven a mí, papi, papi, papi chulo. Papi, papi, papi, ven a mí. Ven a mí, papi, papi, papi chulo. Papi, papi, papi, ven a mí. Ven a mí, papi, papi, papi chulo. Chulo, chulo. Tú quieres el, te gusta el, te traigo el, y Lorna a ti te canta el, qué rico el, sabroso, y a ti te va a encantar el, te gusta el, te traigo el, y Lorna a ti te canta el, qué rico el, sabroso el, y a ti te va a encantar. Suavemente yo con el dembow, así tienes que hacerlo slow, con el dembow, a son del flow, arriba, arriba, arriba, otra vez. Suavemente yo. Je vais écouter les choses, je les fais au pire, comme je préfère rester tout seul. Seul, seul, tous face à tous. sujet. Pas besoin d'écouter les gens douces, même de plus et ne parle pas d'amour. De l'âme qui je vais goûter, de ça j'étais au crime quand je fais rêve. She conduct loose. And she drink that juice. Yeah. She want to walk till it bruises. If you see the Indian. Start out! Trace FM. Si je sens, fais chauffer les platines dans le bifort. It's about that time. What time is it? Allez, bon Dieu! Vite, on a qu'une fenêtre de tir de 30 secondes! On s'équipe, les gars! Appuie sur le bouton! Quel bouton? Quel bouton? Il y en a des millions de boutons! C'est parti! C'est nous! Vous êtes quoi, une bande de super-héros? Lui, c'est Yannick, notre chef qui n'a peur de rien. On les vanne, on les piège, il faut que ça saigne. Nessie, c'est la brute épaisse. Pourquoi moi? Pourquoi vous m'embêtez, les gars? Enfin, bref, passons. Sabri, c'est un vrai génie. Et moi, c'est nous, le double H élégant et irrésistible. Et mec, ça te dérange pas si on démarre l'émission? Bref, on est la génération 9-7. Lancement. Trace. Guadeloupe, Martinique, Guyane. Prends la parole dans la première libre antenne des Antilles Guyane. Génération 9-7. Bonsoir. Hey, bonjour. Hey, bonsoir. Hey, salut, salut. Bonsoir. Bonsoir. Oh là là. Tu classes vite des trucs, en fait, je trouve, Hugo. T'es franchement le moins bon public qu'on ait, vraiment, dans le studio. Nous, on peut faire des trucs 50 000 fois, ça nous fait rire 50 000 fois. Lui, il est blasé, tu sais, Jean. Non, comme si, quand même pas. Comme s'il était né comme ça. Mais tu ferais rien. Alors, par contre, s'il y a un truc sur lequel on est tous d'accord, tu es incapable de te juger toi-même. Qui est d'accord avec ça, là? Je me sens irrésistible. Ah bah ouais. Irrésistible avec un H. Bah. Incompris avec un H aussi, hein, et incapable surtout de s'auto-évaluer. C'est faux, c'est faux. Il faut que tu nous laisses ce plaisir, mec. C'est comme ça. Point. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans la génération 9-7 ce soir avec nous. Vas-y. Da, da, da, da, da, da, bra. Il y a Ba et avec moi. Il y a Ma la Guadaya. Je suis pas encore prêt pour ton rap. J'ai pas encore le rap, ça fait ça. Je le fais ça, mais je te passe plus. Yan, y'a Yoshi, hein, y'a Yoshi, hein, y'a Kishi, y'a Sabri, y'a Nessie qui est là aussi, y'a Hugo qui est là aussi. Bon, c'est difficile, hein. C'est un métier quoi, c'est un métier. Il y a Tijo aussi derrière les platines. Tijo Sound. Hashtag GDF7, hashtag TraceFM, on débarque une toute nouvelle émission, une toute nouvelle semaine d'ailleurs d'émission ce lundi 10 octobre. Bienvenue dans Génération 9-7, Mada, Guada, Yana, une chose est sûre, le soir vous n'avez plus le choix. Ici c'est la libre antenne des auditeurs. Elle est faite par toi, pour toi, chez toi, avec toi. Au programme de la soirée, dans les Breaking News, on parlera de quoi d'ici? On va parler de... Ben, il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Voilà. Mmh. Je ne vous dis pas tout, mais il n'y a pas que des bonnes nouvelles. On va parler de quoi? On va parler de ouais, t'es pas prête. Hugo, il y a du cocoteur ou pas? Oui, on appellera l'homme aux trois jambes qu'on n'a pas pu appeler vendredi. Du coup, tu as dû le chauffer tout le week-end, en fait. Un petit peu, c'était cool. Ah, il prend de plus en plus de plaisir. Il y aura évidemment du... Hey, baby, allô. Il est où, Sabri? Il est aux toilettes encore? La gastro, il se douche un peu. Il se touche un peu. 19h07 aux Antilles, 20h07 en Guyane. Sabri a pris de mauvaises habitudes, hein, Kéchi. Je sais oui, pas. Je trouve aussi. Honnêtement, ça t'énerve pas, mec? Non. Le mec ne te respecte pas quand même, hein. Pourquoi ? Bah parce que jusqu'à présent, en fait, tu étais vraiment le mec de référence quand il s'agissait de montrer un mauvais exemple dans l'équipe. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive en retard, machin, etc. C'était toi qu'on clouait au pilori. C'était chaque fois toi qu'on prenait en exemple. C'était chaque fois toi qu'on disait « Ouais, Keshi ». On a même inventé un truc qui s'appelait au départ le Coden Award. Tellement tu as pris de Coden Awards, tellement tu faisais des trucs imbéciles, machin. On a appelé ça le Keshi Awards à la fin. Vous vous rappelez de ça ou pas ? Ouais, avec cette musique là et tout. Ah ouais. Le mec ne te respecte pas, moi je te dis. Mais non, c'est lui qui porte tout maintenant. Moi, je lui lègue tout. Tu lui lègues tout ? Tout. Non, je suis désolé, Keshi. Ça te fait un petit quelque chose quand même de plus être le dernier de la classe. Ah non, c'est une libération. Tu penses ? Mais très vite ça va te manquer. Parce que si tu étais vraiment bon dans quelque chose, c'était dans ça. Et là, abandonner ça, ça fait que tu vas te retrouver classé encore moins bien. C'est pas bon, tu vas pas être fier de toi en rentrant le soir. Tu sais, il vaut mieux être bon dernier que mauvais premier, par exemple. Tu vois, genre d'ici, elle arrive avant l'émission, longtemps avant l'émission. Tu vois, ok, bon, elle est première, pas de souci. Après, t'as Hugo qui suit, machin, etc. T'as toute l'équipe qui se retrouve autour du warm-up là, de Tijo Sand, le before, machin. Et toi, t'arrivais toujours en dernier. Et chaque fois que tu faisais un truc, t'étais le dernier à comprendre, le dernier à réagir, le dernier à rigoler. C'était d'ailleurs très drôle, ces séquences décalées. Mais si aujourd'hui, Sabri, trust ta place, mec. C'est de moi que vous parlez. En plus, il mange. Ouais, ouais. C'est ce que je faisais. Non, mais tu vois, à l'époque, c'est ça. Tu mangeais, t'arrivais, tu bouffais dans le studio, tu buvais dans le studio. T'étais là, t'étais synonyme de bouffe, de... Moi, je vais ramener à boire et à manger. Maintenant, c'est Sabri, quoi. Sabri. D'ailleurs, je vous propose un truc. Hein, on n'appelle plus ça le Coden Awards, ni le Keshi Awards. On appelle ça le Sabri Awards. Hein. Ouais, bon nom pour cette récompense. Ah, tu vois. Non, essaye pas de parler avec ton Bounty. Tu dois être le dernier mec de la planète à acheter encore des Bounty, ah, frère. Ouais. C'est incroyable, frère. Moi, j'ai jamais trouvé ça bon, le Bounty. C'est super bon, les Bounty, arrêtez vos bêtises. C'est parce que tu aimes le coco de Nord. Tu aimes les paillettes de coco dans ton gosier. Enrobé de chocolat. Bon, qu'est-ce qui t'arrive, mec? C'est quoi ton délire? Il faut que chacun reste à sa place, chacun reste dans son rôle. On est perturbé, on sait plus qui est qui. Non, attends, Keshi nous a habitués à beaucoup moins bien. Beaucoup moins bien. Et maintenant, comme t'arrives le dernier, je suis pas arrivé en dernier, les gars, j'étais là. Sauf que personne ne vient me dire, je suis dans la pièce. Il y a tout ça de stagiaires dans cette radio, il y en a pas un qui vient me dire. Alors, excuse-moi. Nous allons recadrer les choses deux petites secondes, ok? Les stagiaires dans la radio sont des stagiaires de qui? Je sais pas, justement, je ne sais pas. Ils ont tout ça à ton service? Donc les stagiaires ne sont pas à ton service, déjà, pour commencer. Okay. Ouais, ils sont au service de qui? Je peux pas dire ça légalement à l'antenne. Il y en a un, moi, en tout cas. T'as un stagiaire, toi, Keshi? Mais oui, mon petit Yoshi. Yoshi, c'est pas ton stagiaire. Hein. Mais si, c'est mon petit Yoshi. Tu sais quoi? Tu t'en rends même pas compte. Yoshi a tellement les dents longues que tu vas devenir le stagiaire de Yoshi. Avant la fin de la soirée. Monsieur te fait croire que c'est toi qui pilote. Mais monsieur te pilote. Ok? Donc, juste pour information, je ne vois pas pourquoi tu aurais besoin d'un stagiaire pour te rappeler les horaires de l'émission, Sabri. C'est pas moi qui ai besoin d'un stagiaire pour me rappeler les horaires de l'émission. Par contre, toi, tu as besoin de moi pour démarrer l'émission. Pas toujours. Et de moins en moins. Comment ça? Continue comme ça. Je me sens oublié. Non, c'est toi qui te fais oublier, c'est pas pareil. Non, la preuve, vous avez parlé de moi. J'étais pas là, vous arrêtez pas de parler de moi. C'est quoi la phrase, les gars? Les absents ont toujours tort. Sauf que ce soir, j'ai raison. Pourquoi? Parce que vous avez parlé de moi, donc je vous manquais. Mais c'est la dernière fois qu'on te signale, hein, mec. Je veux dire, si tu pointes pas ton ticket, là, machin, etc., en rentrant, arrivé, machin, ton bip là, hop, c'est bon, tu n'existes plus. Le dicton qui dit faut briller par ton absence. C'est bon, brille par ton absence, continue. Continue. On va souhaiter la bonne soirée et le bonsoir, surtout également à Maë qui est avec nous dans le studio ce soir. Salut! Ça va, Maë? Cool. Un petit peu fatigué, mais ça va. Bon, tout le monde est en forme? Ouais, ça va, et toi? Ouais, bon, c'est cool. Ça a été le week-end? Oui, bon, il t'a demandé, et toi? Ben ouais, moi j'ai répondu, déjà. C'est vrai? Ouais. Il a dit un peu fatigué, ça a été vous le week-end? Tu écoutes pas, tu suis pas? Il a dit un peu fatigué. Non, mais surtout n'essayez dans son rôle, jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. C'est bien ici, c'est bien, tu as bien écouté la leçon. C'est bien, il faut rester soi-même. Tu réponds à la question, à l'analyse, tu as pas répondu à la question. Mais je comprends pas. Mais moi aussi je vais animer, les gars. Moi aussi. Alors, vous envoyez

sur le 7. La libre antenne des auditeurs. Merci d'être là. Hashtag G97, hashtag Trace FM. Rendez-vous sur les réseaux sociaux. On se connecte. C'est l'heure. 0820 203 200 tout à l'heure. Des cocoteurs, du Hey Baby Allo et du canular d'ailleurs. Ah putain, on est parti en week-end sur un beau canular en plus. Je dis ça, je dis rien, c'était bien comme il faut. Bravo Yoshi, tu es devenu mon préféré. Putain, ça veut dire que Sabri descend dans le classement. Et oui. Je sais que... À genoux, t'es mieux. Voilà. À genoux, c'est ta bonne taille, c'est et ça. Et je sais que tu aimes bien aussi quand je remonte. Quelle horreur. Quelle angoisse. Ah, c'est il a toujours un truc à rajouter derrière, mais un peu dégueulasse, quoi. On a du Seki dans la radio. On cherche une star locale, nationale ou internationale avec ses indices. Je viens d'une île très ensoleillée. On m'a d'abord connu dans mon pays comme un footballeur talentueux. Mon surnom vient justement de la façon dont je bougeais quand je jouais au foot. Je cherche un indice supplémentaire. Parce que là, tout... On a que des indices sur le foot, alors qu'en fait, il fait pas de foot. Ouais, j'ai cru comprendre, mais on connaît un peu des si on la pratique. Donc tu sais, la meuf, elle fait exprès de brouiller la piste. Je vous assure. Oui, non, mais peut-être qu'il a fait du foot, mais aujourd'hui, c'est pas ça qui le rend connu. Non. Et ça se trouve, c'est même pas ça qui l'a rendu connu à nos yeux, le foot. Non. Ouais, dans mais son, en dire dans plus... son quartier, le mec a dû marquer 8 buts d'affilée non, une non, fois. Non, il était très connu à l'époque. Hein. Dans quel pays? Dans son pays. Bon, attends. Je peux pas te dire. Un ancien joueur de foot qui vient d'une île. Oui. Ouais. De la Caraïbe. Mm-hmm. Ouais. Ouais. Forcément, c'est pas. Ouais. Bah, ça peut être. Non. Ça peut être Saint-Domingue. Bah, c'est ça peut être Jamaïque. Ouais. Ça peut être Porto Rico. Ça peut être. Ça peut être la Guadeloupe. Pas Vigneault. Ouais, ceci dit, s'il a été connu, ouais, par rapport au foot, ok. Mais aujourd'hui, c'est pas ce qui le rend connu. Non. Et dès le départ, très rapidement, en fait, cette carrière de footballeur n'a pas été ce qui l'a fait connaître. Exact. Trinidad, Jamaïque, Cuba, la limite. Et encore Cuba, non, parce que s'il est chanteur maintenant et que c'est quelqu'un qui pèse, Cuba, non. C'est genre Kumbay Segundo, non, ça peut pas être lui. Footballeur, je vois. Raoul Pass, non. Raoul Pass, mais c'est pas lui le footballeur, c'est plutôt lui, c'est plutôt le défenseur, tu vois. Raoul Pass la balle, quoi. Mais Ouais, donc Jamaïque, Trinidad. On cherche. Tu nous envoies volontairement sur la piste du sportif, alors que c'est pas forcément ce qui nous sauterait aux yeux, en fait. Donc je donne un autre indice. Vas-y, donne-nous un indice supplémentaire. J'ai voyagé un peu partout dans le monde. Wow, tu vois, à chaque fois tu fais ça, tu demandes un autre indice et elle te couillonne avec son indice. Donne-moi tous les indices, s'il te plaît. Tu te fais avoir. Je viens d'une île très ensoleillée. On m'a d'abord connu dans mon pays comme un footballeur talentueux. Mon surnom vient justement de la façon dont je bougeais quand je jouais au foot. Et j'ai voyagé un peu partout dans le monde. Son surnom est encore celui qu'il a aujourd'hui dans l'autre métier qui attire notre attention. Oui. C'est quelqu'un de connu. Oui. Ok. Anglophone, francophone. Anglophone. Ok, ça marche, anglophone. On attend vos propositions pour repartir avec des cadeaux. On a des places de ciné pour le gang des Antillais. Ouais, c'est une avant-première. Ouais, on a aussi l'avant-première. De la pièce. Ouais, c'est après-demain, ça. Rex, Madiana ou encore Agora, on vous file des doubles invitations avec les pop-corns. Sympa pour y aller avec la personne de votre choix. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça aussi? Je crois que j'ai des invitations aussi pour le Festival de la Dominique qui vont se débloquer là dans la soirée. Bon, tu y vas comme tu veux. À la nage, tu prends l'avion, ce que tu veux, mais j'ai le pass en fait pour tous les concerts en fait du Festival de la Dominique. On en parle un petit peu plus tard dans Génération 97. 0820 203 200 pour vous déclencher si vous avez trouvé de qui il s'agit. Star locale, nationale ou internationale, à toi de jouer. Le jeu d'octobre 2000 entre 19 et 22h, Trace FM te rejoue le meilleur de Génération 97. Le replay. C'est le replay de Génération 97. On va parler ce soir. Dirty Talk. J'avoue être sensible aux gémissements. Pas n'importe quel gémissement, parce qu'il y a des gémissements qui sont vraiment horribles. Les pornos japonais, j'ai du mal. Mais moi j'adore. Et dans Game Massage. Génération 97, le meilleur de la semaine. La crème de la crème des conneries de la semaine. En rediff ce dimanche soir entre 19 et 22h sur Trace FM. Le replay de Génération 97 aussi dispo sur trace.fm.

l'avant-première séance particulière et privée mercredi, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe ou en Guyane, pour le film du Watibé. 0820 203 200. Le soir, tout est permis dans Génération 97 sur Trace FM. Bon, on va la faire rouler cette trace roulette. En way, salut Kiran, comment tu vas? Ça va, tranquille. Ah, cette petite voix posée comme ça du lundi soir. Posée ou blasée, je sais pas. Ouais, bah les deux, en même temps, posée, blasée, ça va ensemble, doucement sur le pavé. Tu dis stop quand tu es prêt, mec. D'accord. C'est bon. Bah ouais, c'est bon. Tu dis stop et puis tu dis c'est bon. Je te dis que tu dis stop et toi tu dis c'est bon. Merci. Il m'a quand même donné un top. Il manque un S à son truc. Hein. Insoutenable. Une, deux, trois. Bah, tu repars avec trois places pour aller voir la pièce, Kiran. Ouais, ça, c'est géré. Mercredi, on est ensemble, mec. Ça se passera à Agora, puisque tu es du côté de la Guyane. 16h, avec deux autres personnes de ton choix. On vous met à l'aise sur les pop-corn. Les pop-corn. On vous met à l'aise, en fait, dans la salle. Et tu viens avec les deux personnes de ton choix. Ok, Frangin? Ça marche, le blada. Bonne soirée à toi. Ciao, ciao. 0820 203 200, le signal retentira par deux autres fois avant la fin de l'émission. La pièce, le gros fou rire de la rentrée. En avant-première Trace FM avec le forfait SAP et by SFR. Forfait SAP et by SFR, ça le fait. Breaky. Breaking news. On commence par parler de quoi? On donne des nouvelles de Fanny. Ça fait un moment qu'on n'a pas entendu parler d'elle. Fanny, ouais, qui a raccroché sa carrière. Elle, ouais, l'avait annoncé à notre micro d'ailleurs qu'elle ne comptait pas revenir sur le devant de la scène. Et pourtant... Elle a donné de ses nouvelles par rapport à son anniversaire que ses fans lui ont en masse souhaité. C'était jeudi. Oui, elle a dit merci à vous mes amis, hier je soufflais une autre bougie et c'est avec plaisir que j'ai lu, reçu tous vos messages tout au long de la journée. En gros, elle a gardé la fanbase, elle n'est pas folle la guêpe. Au cas où. Je m'attendais à une annonce, oui je reviens, ouais, j'en profite pour vous. Voici le single de mon anniversaire, joyeux anniversaire. Toujours pas. Pourquoi tu lis pas à la fin du message? Soyez tous richement bénis. Ben voilà, un petit truc positif. Quoi d'autre dans les breaking news? On va parler de la vague de fake. En ce moment, il y a des artistes qui subissent, les artistes anti-guyanais, qui subissent... L'usurpation d'identité sur Facebook, ouais. Ils sont enfin devenus stars. De nombreux faux comptes sont créés. Alors, il y a Nestlé qui est particulièrement touché. Lorraine, ah ouais, si on commence à gratter ton compte pour vendre des iPhones, frère, c'est que tu es vraiment. Pas pour vendre des iPhones, pour offrir des iPhones. Offrir des iPhones. Ouais. Kalash aussi. En fait, concrètement, ils te demandent en quoi consiste l'arnaque. Ils créent un faux profil avec le nom de l'artiste. C'est arrivé à Admiralty aussi. Grosso modo, toi, tu cherches à devenir ami. Souvent, certains comptes sont saturés, donc tu prends celui qui est disponible. Celui qui est disponible est parfois donc un fake. Et quand il s'agit d'un fake, comment ça se passe? On te propose de gagner ton iPhone 7, mais en faisant quoi? Il faut que visiblement tu publies sur ta page. Que tu partages aussi. Ouais, et qu'après tu appelles un numéro de téléphone qu'on t'enverra en PV. Mmh. Et c'est à ce moment-là que les gars gagnent de l'argent. Parce qu'en fait, concrètement, avec le numéro de téléphone. Surtaxé, je suppose. Surtaxé, voilà. Tu leur donnes de l'argent. Alors, effectivement, quand une centaine de personnes tombent dans le panneau, les gars se font un bon petit pécule. Sauf que l'iPhone 7, tu n'en vois jamais la couleur. Mm-hmm. Il est noir, hein, juste pour information. Pour ceux qui ont joué avec les faux comptes des artistes. Et nous, on vous l'offre vraiment, par contre, cette semaine. Guettez bien le signal qui peut retentir à n'importe quel moment. Il y a 100 possibilités de gagner. C'est énorme, quand même. Hein. Ouais. C'est bien. C'est énorme. On a plusieurs iPhone 7 à vous offrir. Vous nous proposez un chiffre entre 0 et 99. Ça marche. Il faut forcément que ce soit un chiffre à deux. Que ce soit deux chiffres, en fait. Que ce soit deux décimales, en fait. 0,800. C'est comme ça qu'on dit ça? Oui, c'est bien. Ouais, deux décimales, en fait. Oui. Genre, n'essaye pas de nous proposer 100, 121 ou 123. Deux chiffres seulement. Ça ne marchera pas. Tu joues donc de 00 à 99. 0820 203 200, dès que vous entendez retentir le signal. Quoi d'autre dans les breaking news? On revient comme sur Kalash qui a reçu un disque d'or pour son album KO. C'est quand même quelque chose. Alors, j'ai vu la photo. Ouais, c'est Chaos. C'est Chaos. Alors, c'est vrai que la photo a circulé. Il l'avait annoncé depuis belle lurette sur les réseaux sociaux. Et pourtant, ça a mis du temps, notamment à venir. Entre-temps, MHD a récupéré son double disque de platine. Tout le monde a été gâté, machin, etc. Et ça tardait à venir pour Kalash. Il a enfin son disque d'or. Waouh, on l'applaudit. Ça équivaut à combien de... c'est gentil, le grand fan, le grand fan. C'est ça équivaut à combien d'unités écoulées, 45 000 ou 75 000 je crois que c'est 75 000, mais ils ont peut-être revu les... Mais on va vérifier les chiffres. Ouais, il me semble que c'est entre 45 et 75 000, donc peut-être que pour trancher, on dira 50 000. Faut vérifier. Non, mais on va vérifier. Non, mais vérifie l'information. D'ici là, on parle de quoi d'autre hein? D'Haïti. Ouais. Qui a été très touché par l'ouragan. Le bilan s'est alourdi. Oui. Alors, il y a eu quand même 350 000 Haïtiens qui ont été touchés et qui ont besoin d'une assistance humanitaire. D'urgence. Voilà. Et alors, bien sûr, il y a la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge également qui lance un appel. Mais les Haïtiens, en revanche, ils appellent à ne pas donner d'argent à la Croix-Rouge des USA. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient promis beaucoup de choses en 2010. En fait, ce qui s'est passé, c'est que concrètement, suite au tremblement de terre, oui. Il y a presque 20 milliards, je crois, ou 20 millions, je me rappelle plus. Ça fait une sacrée différence quand même, hein, qui ont été amassés en fait dans les caisses des ONG. Et visiblement, depuis, les seuls projets qui sont sortis de la part des caisses de la Croix-Rouge, par exemple, visiblement, ce serait deux maisons. Six maisons alors qu'il y en avait 700 prévues. 700 prévues, finalement il n'y en a que 6. Et donc du coup, les Haïtiens demandent de leur donner un peu plus directement. C'est pour ça que certaines associations d'ailleurs vous incitent à donner des denrées périssables, des denrées urgentes, des denrées de première nécessité comme on les appelle, plutôt que d'envoyer de l'argent. Parce que visiblement, alors c'est pas le problème des associations, c'est parfois le problème des gens qui ont détourné l'argent, qui sont pas forcément les associations, qui sont aussi les politiques. Oui. C'est très très très compliqué. Donc il y a des problèmes d'organisation aussi sur le terrain parce qu'il y a beaucoup d'œuvres humanitaires qui débarquent en fait, mais qui sont pas forcément coordonnées avec les autorités locales. Moi j'ai vu ce petit poste. Vous l'avez vu ce poste où on disait que Econ avait fait deux fois plus en deux ans pour l'Afrique que certaines ONG en fait, notamment après le passage du tremblement de terre à Haïti. Alors tout ça, ça aide pas forcément à avoir confiance. À donner. Alors c'est pour ça qu'effectivement peut-être qu'un sac, un sachet de pâtes, peut-être que des vêtements, c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus utile que de l'argent, parce que forcément il y a une grosse inquiétude, il y a une grosse angoisse, et puis comment on appelle ça, c'est quand t'as le doute en fait, t'as le doute. Tu sais pas où ça va. Alors en même temps, les artistes par exemple se mobilisent. T'as des gens qui comme Admiralty et Jessica Campbell par exemple qui relaient beaucoup une initiative pour réunir des fonds. C'est compliqué. L'argent, j'ai l'impression que c'est vraiment compliqué parce que ça fait polémique hein. Depuis 4-5 jours, on entend que ça. Ah oui, mais on nous avait promis plein de choses. Il y a énormément d'argent qui a été réuni depuis le tremblement de terre. Cet argent, on n'en a jamais vu la couleur. C'est pour ça que les Haïtiens incitent à donner un peu plus directement des choses peut-être utile. Ou alors, vérifiez simplement l'association ou l'ONG à laquelle vous choisissez de donner, de manière à ce que votre argent soit particulièrement bien utilisé. On devait avoir à ce propos J. Perry. Malheureusement, ils sont véritablement beaucoup, beaucoup occupés sur le terrain à essayer de répondre aux besoins urgents de la population. J. Perry sera un petit peu plus tard avec nous au téléphone. On aura également dans la semaine Wyclef Jean dans c'est Génération 97. Ah, ah, ah. Je l'aime beaucoup. Ah ouais. Mais tu lui parleras pas. Bref, hashtag G97, hashtag TraceFM. Quoi d'autre dans les breaking news? Moi, il y a une jeune fille âgée de 15 ans de Rivière-Salée qui s'est pendue hier soir. Il semblerait que ce soit parce qu'elle subissait beaucoup de harcèlement à l'école, on ne sait pas vraiment. Et elle a été retrouvée sans vie vers 5h du matin. Elle se serait pendue en fait, c'est ça? Ouais, à la cité Thorale. Voilà qui ouvre le débat un peu du suicide. C'est très très compliqué hein, le suicide, parce que c'est pas parmi les choses les plus joyeuses à aborder dans l'émission. Mais c'est vrai que mine de rien, les Antilles-Guyanes sont très concernées. Et surtout, la tranche d'âge la plus jeune est très concernée. Alors, ça va sur toutes les rumeurs. On parle de cette jeune fille qui aurait eu visiblement des problèmes à l'école, qu'on la raquettait. On ne sait pas quelle est la vraie version au stade actuel où on en parle. On sait simplement qu'aujourd'hui, eh ben, y a une famille qui certainement en fait pleure cette jeune fille de 13 ans qui a pris cette décision sans retour de se pendre du côté donc de Rivière-Salée. Y en a que ça inspire beaucoup, notamment la thématique du suicide. On va y revenir dans un petit instant. 0820 203 200. Il y a pas mal de de réactions, notamment sur les réseaux sociaux. Quoi d'autre dans les breaking news? Au Golden, en Guyane, il y a une bagarre qui a éclaté entre le clan de Chicago et des bandes rivales. Et apparemment, ça part d'une histoire de chaîne. Apparemment, c'est une histoire à la con, surtout. Hein. Ouais. C'est ça. Et en plus, il y a eu erreur sur la première victime. C'est-à-dire que... En fait, grosso modo, il y a une chaîne qui est braquée par quelqu'un. On pense que c'est lui braqué qui l'a braquée. Ou cassée. On pense que c'est lui qui l'a braqué ou qui l'a cassé. Et ben donc du coup, on se jette sur le mec, mais sauf que c'est pas lui le responsable. Exact. Et il se fait passer à tabac, en fait. Il se fait lyncher, on le fait dégringoler des escaliers qui représentent quand même deux étages. Il se fait lyncher jusqu'à l'autre côté de la rue et au final, ça termine en fusillade avec plus de 7 blessés par balle. Le Golden est enfermé définitivement suite à ça. Et ce que je trouve vraiment révoltant, c'est que Guyane Première n'a même pas daigné lever sa plume pour relater les faits. En même temps, tu sais ce que c'est, hein, la loi de la rue. Hein. Les informations sont super dures à avoir. S'ils peuvent pas vérifier les informations, c'est pour ça qu'ils en parlent pas. Hein. Mais tu peux dire serait, il s'est passé quelque chose et on vous donnera plus d'informations. Dans tous après. Les cas, la fusillade a eu lieu. Dans tous les cas, les 7 blessés sont toujours à l'hôpital. Dans tous les cas, ça méritait d'être mentionné. D'être relayé. 0820 203 200, si vous avez un petit peu plus d'infos, que dit la rue? Parce que effectivement, pour l'instant, on n'a que la version de la rue et plusieurs versions plus ou moins différentes. Pour avoir la bonne, tant qu'à faire, faut qu'on confronte tous les points de vue. 0820 203 200. On va s'enchaîner un petit Black M dans les tympans. On va revenir dans un petit instant aussi sur Trace FM avec évidemment vos propositions pour le C'est qui. On revient aussi avec du Hey Baby Allo. Ça va pas tarder dans la Trace Radio. Je pense qu'il me charme. Ma maîtresse d'école m'a dit que j'étais chez moi. Mais mon papa lui pourtant se met fidèle. Est infidèle. La France est belle, est belle. Mais elle me regarde de haut comme la tour Eiffel, Eiffel. Mes parents m'ont pas mis au monde pour toucher les aides, les aides. J'ai vu que Marion m'a tweeté de quoi elle se mêle. Je sais qu'elle m'aime. Je suis français. Danser. Laisse-moi juste l'inviter à danser. petit coucou à tous ceux qui se connectent avec nous sur Twitter. Il y a Juicy Bed qui est là, Little Mum, salut, Geek972 qui est là aussi, Krakinet, One Life, La Sauvageonne, DD ou encore Laurie. Belle bonsoir tout le monde, ça y est. Hashtag G97 0820 203 200 Kai Cafet, où que tu sois, Mada Guadayana. La radio est libre sur le mix et sur le talk. Tu débarques en direct. Somebody say Oulala. Radio se lâche, tu peux tout nous dire. Trace FM, Génération 97. Ta liberté d'expression au 0820 203 200. Bon, alors, on a du Hey Baby Allo qui se prépare tout à l'heure. On va faire du cocoteur aussi. Il y a du canular aussi dans les fourneaux. Ça, c'est pour les séquences un peu drôles, un peu détente, un peu soupape de décompression. Et puis, il y a des sujets sérieux aussi. Notamment pas mal de gens qui veulent réagir par rapport à la breaking news de cette jeune Martiniquaise, en fait, de 13 ans, qui a choisi de mettre fin à ses jours. Elle avait visiblement beaucoup de problèmes à l'école. Sauf qu'on n'arrive pas forcément à identifier. Certains parlent de raquettes, d'autres disent que bon bah ça n'allait pas. Tout le monde y va un petit peu de son son de cloche, mais en même temps, des gens concernés par le suicide, il y en a. Et mine de rien, cette thématique du suicide, elle touche plein de gens qu'on connaît autour de nous, parce que les idées noires, ça peut te traverser. Après, passer à l'acte, c'est encore autre chose. Hashtag G97, hashtag Trace FM. Merci d'accueillir Karen avec nous au standard. Bonsoir Karen. Oui, bonsoir. Salut. Tu as 27 ans, t'es à Fort-de-France. Et puis, il y a Kelly aussi qui nous rejoint. Bonsoir Kelly. Allô, allô. Salut Kelly. Kelly. Kelly, Kelly, Kelly. Kelly, Kelly. Kelly. Désolé, ça a coupé. Non, mais c'est bon, on est là. T'inquiète pas, on t'a pas totalement perdu. Kelly, Karen, vous allez nous parler un petit peu de votre expérience, vous allez parler un petit peu de votre ressenti. C'est vrai que quand même, on se dit, putain, 13 ans, quand tu pars de l'actualité, quand tu pars de cette jeune fille qui a 13 ans, tu te dis, waouh, 13 ans quand même, elle a dû subir quelque chose d'assez énorme pour se dire que les 60 ou les 80 prochaines années ne valaient pas le coup d'être vécues quand même. Alors certains parlent de décision à la va-vite, mais tu sais qui sait ce qui se passe véritablement dans la tête de quelqu'un qui prend cette décision. On en parle très franchement avec vous. Merci d'ailleurs de votre honnêteté, Karen et Kelly, parce que je sais que c'est pas facile ce que vous vous préparez à raconter dans l'émission. On revient dans un petit instant avec vous les filles. Vous bougez pas, vous raccrochez pas. À tout de suite. D'accord. Okay, yes. Okay. D'ici là, on a du c'est qui dans la radio, on a des indices, on cherche une star locale, nationale ou internationale qui répond à ces indices. Je viens du Nil. En Égypte. On m'a d'abord connu dans mon pays comme un footballeur talentueux. Mon surnom vient justement de la façon dont je bougeais quand je jouais au foot. J'ai voyagé un peu partout dans le monde. Qui suis-je? Proposition du côté du standard, c'est Christelle qui est avec nous. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Tu penses à qui ? À Usain Bolt. À Usain Bolt. Jamaïcain, caribéen, validé. Ok. Ouais. Sportif, clairement. Alors, est-ce qu'il a été connu quand même comme un footballeur à l'origine, Usain Bolt ? À ses débuts, oui. Donc, ouais. Jusque-là. Tellement vite, il peut tout faire. Ouais. Oui, remarque, comment il s'appelle ? Zlatan était bien un taekwondo-deur. Ouais, taekwondo-deur. Un mec qui faisait du taekwondo, quoi. Voilà. Est-ce que c'est. Usain Bolt ? Non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas Usain Bolt, Christelle. Bouge pas, on va rajouter des indices, à moins qu'on ait quelqu'un qui ait la bonne réponse. Salut Roberto. Oui, bonsoir. Ça va bien ? On peut aller tranquille. Tu réfléchis encore un peu, tu tâtes, mec ? Non, j'ai déjà la réponse. Bravo. Allez, fais péter. Mister Vegas. Tu penses à Mister Vegas ? Yes. Et oui, c'est bien Mister Vegas. Et s'il y a bien un truc que j'ignorais sur Mister Vegas, c'est ses talents de footballeur. Hein. Mm. Franchement. Et pourtant. Et son surnom vient de sa façon de bouger ? Ouais. Parce qu'il se dandinait un peu comme les danseurs. Comme les machines à sous ? Non. Les gogo danseuses. Comme les stripteaseuses en fait à Vegas. Ouais. Ah oui. Putain, t'imagines quand même le disrespect magnifique. C'est le mec genre, écoute, tu bouges comme une stripteaseuse. Ok, je vais garder ce blaze. On t'appellera Vegas. Chaud. Chaud bouillant. Oh là là. Ouais, non, franchement, j'avoue être très surpris. C'est bizarre de commencer sa carrière avec ça. Alors tu vois, franchement, honnêtement, tu nous as mis sur la voie d'un artiste, d'un sportif. Et moi, je trouve que franchement, ça mérite double cadeau quand même pour Roberto. C'est vrai. Parce qu'il a réussi, malgré le fait que t'es tout axé sur le sport, à trouver de qui il s'agissait. Mister Vegas, c'est la bonne réponse. Mister Vegas. Gagné. Mister Vegas, qu'est-ce que tu peux nous chanter de Mister Vegas là ? Rien du tout. Ah, c'est con. C'est parce que moi, je valide pas les cadeaux tant que tu m'as pas chanté un truc de Mr. Viegas. J'ai pas chanté. Ah, mais on s'en fout. Non, mais lui non plus. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah. Wow, tu sais pas faire. Wow, wow, tu connais pas ça? Tu sais pas chanter ça? Putain, et le mec, il a une liste de succès longue comme le bras. Attends, tiens, tiens, prends celui-là. Alors, le tien ou le mien? Parce que t'as un peu des bras de T-Rex, hein. Il a ça. Ah oui, il y a eu sa période je suis un chrétien. J'aime la religion. Qui n'est pas fini. I am blessed. I am blessed. Ouais, d'accord, c'est cette partie-là que t'as préférée de sa carrière, alors. il a chanté ça aussi, rappelez-vous. C'est vieux, ça. Maman, le truc est vieux, même. Ça, c'est la bonne époque. Il y a une époque où il parlait super bien des filles, il résumait super bien la situation. Est-ce que vous vous en rappelez? Vous vous en rappelez de quand il parlait super bien des filles ou pas? Vas-y. Personne s'en rappelle. Putain, c'est pas possible. Ça dépend. Mais si. Je vois pas là. Tu sais très bien. Je te jure. Je te jure, je simule souvent, mais là non. À cette époque-là. She's out. Ah merde. Ah ouais, c'était lui. Ouais. Ça date. Mais il y en a des quantités, hein. Il y a I'm drinking. Non, ça c'est Benny Mam. Elle était en haut, la meuf. Elle est en haut. Ouais, c'est ça, ouais. La bonne traduction. Qu'est-ce que j'ai dit à ma mère, hein? Moi, l'un des titres. Quand elle m'a demandé ce que ça voulait. Moi, la chanson que j'adorais de Mr. Vegas, c'était Tamali. Ah oui. Ah, yes. C'était fort, ça. Bon, on arrête de te gaver, c'est bon, t'as gagné. C'est bon, Roberto, c'est validé, ok. Tu bouges pas, tu raccroches pas, bonhomme, on te met les cadeaux de côté. Avec quelle radio tu te couches tous les soirs? WhatsApp. Hashtag G97, mais il sait tout, ce mec. Il sait tout, il est au courant de tout. On revient dans un petit instant avec Karen et Kelly. Dans un petit instant au standard, 0820-203-200. On se prépare à du Hey Baby Allo, mais avant ça, c'est la pub dans la Trace Radio. Cette semaine, Trace FM, le Crédit Agricole et Yop Never Stop t'offrent ton nouvel iPhone 7. Ton nouvel iPhone 7 t'attend. Dès qu'il sonne à l'antenne, appelle le 0820-203-200. File-nous ta combinaison à deux chiffres. Et si elle est validée par Siri, c'est gagné. Tous les jours. Le Crédit Agricole Martinique-Guyane, toute une banque pour vous. Et Yop Never Stop, l'unique, le seul Yop fabriqué chez nous, t'offre ton nouvel iPhone 7. Trace FM, premier sur l'iPhone 7. Plus d'infos, trace.fm. Digicel prolonge ses offres de rentrée jusqu'au 16 octobre. Profitez-en. Tous les forfaits Digicel sont à moitié prix pendant 2 mois. Un forfait Air Absolu 500 mégas à 19,95€. Ça vous tente? En plus, le nouvel Alcatel Idol 4 avec son casque de réalité virtuelle est à 39€ et le Samsung Galaxy J5 édition 2016 est offert. Vivons l'extraordinaire. Digicel. Offre sans mobile valable jusqu'au 16 octobre 2016. Remise appliquée sur le montant des 2 premiers mois de forfait. Prix des mobiles dans le cadre d'une offre portabilité, durée d'engagement minimum de 12 mois, voire condition en point de vente. Trace Tropical et Stonehouse Events présentent l'événement le plus attendu de la Caraïbe. L'ex-président d'Haïti, Michel Martelly, alias Sweet Mickey, est de retour avec un live exclusif à Saint-Martin. Un concert historique en artiste invité, Jade. Oswald. Multiples cadeaux à gagner. Prévente 30€, disponible chez bisou.com, 50€ à l'entrée. Infoline au 06 27 93 70 71. Sweet Mickey en concert. The President is back. Le 22 octobre au Carnival Village de Saint-Martin à partir de 20h avec Hypnotic Gentleman Club, St. Mace Enterprises, Shippy et Trace Tropical. Génération 97. Guadeloupe, Martinique, Guyane. 100% radio libre. Tous les soirs sur Trace FM. We so fly. Big up Tijosa, Big Bad DJ. I just the body when me about that and I cry for. Trace FM, body that and I cry for.

février, j'ai 9-7, c'est toute la semaine. Oh yeah. Et on démarre une nouvelle semaine sur Trace FM. Ah, ah. Et 9-7. Hashtag G97, hashtag Trace FM, on a un DJ derrière les platines qui vous attend, 0820-203-200 pour lui réclamer vos sons. Hashtag G97 et à Trace FM sur les réseaux sociaux. Bonsoir Tiwoui, salut Julie, tous ceux qui se connectent aussi, princesse. Hashtag G97, hashtag Trace FM, merci d'être avec nous, la radio est libre. Ah, tu l'avais accéléré un peu, c'était pour vérifier. Ok. Eh ben tu sais quoi, je l'ai trouvé plus dansant là. 3 heures de libre expression. Génération 97, la plus grosse libre antenne des Antilles Guyane sur Trace FM. T'attends quoi? Débarque au 0820-203-200. Et tout à l'heure, il y aura du coucouteur dans la génération 97. On va appeler l'homme aux trois jambes. On doit l'appeler depuis vendredi. Je sais pas si vous imaginez. Depuis vendredi, en fait, Hugo le chauffe. Sauf que, bah, évidemment, comme on l'a pas appelé vendredi, il a dû le chauffer tout le week-end. Je pensais que c'était fastidieux, tu vois, qu'il en avait souffert. Le mec a dit, oh non, c'était cool. Oh non, c'était sympa cool. Celui-là. Comment il s'appelle? L'homme aux trois jambes. Ah, il dit ça avec, tu sais, un appétit. Un appétit, mais non, il a l'air un peu tébé en plus. Mais quand tu dis ça, t'as pas l'air très intelligent non plus, Hugo. Bah ouais. Bah oui, parce qu'en fait, Hugo, il faut que je t'explique un truc. Tu sais, un acteur dans la vie, c'est un acteur, c'est un métier. Tu vois, il faut que tu fasses la part des choses. J'ai l'impression que de plus en plus, en fait, ce que tu fais en tant que comédien, tu le fais tout le temps. Mais tu le fais pas exprès parce que tu veux améliorer ton rôle. Mais imagine-toi, c'est arrivé à plein d'artistes, ça, c'est arrivé à plein d'acteurs. Des acteurs qui ont trop joué le rôle et qui sont restés bloqués dedans. Et tu sais, ils ont dû faire des psychothérapies, faire des traitements non, au Botox. Non, regarde celui qui fait Tyrion Lannister dans Game of Thrones. Et ben, du coup, dans la vraie vie, il est nain aussi. Bref, hashtag G97, hashtag Trace FM, tout part de l'actualité. Oui. On parle d'une jeune fille. 15 ans. Elle est de Rivière-Salée en Martinique et elle s'est pendue. Les informations qui tournent à propos de ce suicide, en fait, serait que la jeune fille avait des problèmes, en fait, dans son établissement scolaire. Elle subissait beaucoup de harcèlement. Harcèlement moral. On parle d'harcèlement moral. J'ai entendu parler de racket aussi. C'est quand même une décision terrible, qu'elle a prise. Elle a été jusqu'au bout de son geste. Et il y a des gens qui sont évidemment pas insensibles à ce qui se passe, parce que c'est vrai que, en matière d'idées noires, le suicide a toujours, les idées en tout cas de suicide a toujours traversé quelques-uns d'entre nous. Tu vois, elles ont toujours traversé quelques-uns d'entre nous, ces idées. Après, pour passer à l'acte, c'est vrai qu'on est quand même une des tranches d'âge les plus concernées, par ce moment un peu fragilisé, où on peut prendre une mauvaise décision, la pire de toutes, celle qui est sans retour. À ce propos, il y a pas mal de gens qui veulent réagir du côté du web. On est rejoint par Karen. Bonsoir Karen, bienvenue dans Génération 97. Allô, allô. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Alors, je me doute bien que ce que tu te prépares à nous raconter, c'est pas forcément très très simple, parce qu'on peut pas parler forcément du suicide en rigolant. Hein. Ça, c'est certain. C'est compliqué. Hein. C'est vraiment compliqué. Toi, t'appelles pas pour rigoler du suicide, toi. Comment? T'appelles pas pour rigoler du suicide, toi. Non. Explique-nous, c'est quoi ton expérience là-dedans? Mon expérience, c'est que j'ai voulu donc faire une tentative. Donc, c'est-à-dire qu'à un certain moment, c'était l'année dernière, je ne supportais plus rien, que ce soit au niveau du travail, la famille, même mon propre fils, donc je ne le supportais pas. Ouais. Et donc un jour, comme on dit, la coupe d'eau donc a débordé le vase. Ah, moi je dis pas ça. Je dis la goutte d'eau a mis le feu aux poudres, parce que ça veut rien dire, je préfère. Ouais. Ouais. Donc ça a commencé par à tout casser dans la maison. Ouais. Et donc je suis descendue, comme j'habite dans un bâtiment, je suis descendue. C'est juste pour jeter donc ce que j'avais cassé. Et arrivé près de ma voiture, donc il y avait une autre voiture qui arrivait. J'ai fixé la voiture et. Donc j'ai voulu me jeter dessus. Dessous. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que finalement j'ai pensé à mon fils et je suis remontée. Ouais. Après ça, donc j'ai appelé donc le médecin pour demander de l'aide parce que ça n'allait pas. C'est compliqué parce qu'en fait, tu sais, moi de l'extérieur, le suicide, bon, allez. on va parler franchement. Tout le monde a le fantasme à un moment ou à un autre. Je parle du premier fantasme. Le fantasme à un moment ou à un autre de se demander qui viendra à son enterrement. Est-ce qu'on compte vraiment pour les gens et peut-être évaluer comment on compte sur les gens. Sauf que évidemment, je te parle d'un fantasme. Évidemment, si. Nessie quand même. Toi en plus. Surtout toi. Justement, j'ai pas eu le loisir d'y penser moi. Ouais. T'as jamais fait une liste ou... Non. Celui-là, je ne l'inviterai pas. Surtout pas. En même temps, on parle pas forcément que de toi dans cette émission, mais c'est quand même assez... Oui, mais tu dis tout le monde. Non, je dis la majeure partie des gens. C'est quand même arrivé à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens d'imaginer ou de mettre en scène sa mort dans sa tête, sans pour autant passer à l'acte. Ok. Après, ça dépend aussi des raisons qui te poussent à le faire. Le problème, c'est qu'on trouve toujours de l'extérieur aussi que les raisons sont jamais les bonnes. C'est chaud ce que je vais te dire, Karen, et c'est vrai que ça ressemble un peu à une confrontation, là, dit comme ça, mais pour toi, c'était totalement légitime, les problèmes que tu rencontrais étaient totalement suffisamment puissants pour te dire qu'il fallait en finir. Après, de l'extérieur, c'est toujours beaucoup plus facile pour quelqu'un de te dire « Ouais, mais bon, Karen, tu pousses un peu, tu vas rebondir, il y a des choses qui vont s'améliorer. » Mais finalement, c'est quoi, en fait, une tentative de suicide ? C'est l'espoir qui s'en va, en fait. C'est ne plus croire en demain, en fait. C'est ce qui t'est arrivé, Karen. Non, c'est ne plus croire en rien. Donc, c'est-à-dire qu'on a beau parler, beau exprimer donc, ce qu'on ressent, mais on ne t'écoute pas. Ou sinon, donc, ben, on te dit c'est juste passager. Alors que tu essaies de faire comprendre aux gens ou à la personne que ça ne va pas. Mais donc, on te dit, ben, ce que le père de mon fils a me sortir, c'est il y a plus mal que toi. Alors que j'avais on pouvait beau me voir donc pleurer, dire que ça ne va pas, ben. Ça, c'est le genre de phrase qui aide pas du tout quand on te dit qu'il y a pire que toi ou il y a des gens dans une situation plus dramatique que toi et pourtant ils prennent pas cette décision là. Ça t'aide pas ce genre de choses? Non, ça n'aide pas. Donc, parce que là, ce qu'on a besoin, c'est qu'on essaie d'exprimer. Donc ce qui ne va pas, c'est on cherche de l'aide d'une certaine façon. Et qu'on n'a pas d'aide, que ce soit au niveau du travail, au niveau de la famille qui comprend pas. Et bien, donc, à un certain moment, ben, on dit autant donc arrêter de souffrir. Donc, je sais que quand je ne serai plus là, ben, j'arrête de souffrir. Donc, je n'aurai plus de problème, donc je ne penserai plus à rien. Que, au moins, ce sera terminé. Mais dis-moi, quand tu t'es dit que tu allais le faire, c'était vraiment pour que tout s'arrête ou parce que tu espérais qu'il y ait quelque chose après qui soit meilleur? Non, c'est que je voulais que tout s'arrête. Après, tu peux rien. Dans la vie de tous les jours, c'est vrai que t'as souvent l'impression qu'il y a des cycles, en fait. Mais s'il y a des cycles négatifs, il y en a aussi forcément positifs. Sauf que, à un moment ou à un autre, quand tu envisages de mettre fin à tes jours, c'est que le cycle positif, tu le trouves tellement inaccessible ou tu as l'impression qu'il reviendra tellement pas sur toi, qu'en fait, tu restes prisonnière, en fait, du cycle négatif. Ça t'est arrivé il y a un an, depuis, il y a des choses qui t'ont aidé à reprendre pied, il y a des choses qui t'ont aidé éventuellement, est-ce que tu y penses encore? Un an et demi après, est-ce que tu penses encore que mettre fin à tes jours, ça peut être une solution? Là, une fois, j'y ai pensé. Dernièrement? Ça fait pas longtemps. Est-ce que c'est les mêmes choses qui t'ont retenu que la fois d'avant? Ou est-ce que c'est de nouvelles choses qui sont arrivées? Non, c'est toujours mon fils qui m'a retenu. Pour aller très très loin, je m'invite vraiment, vraiment dans ta manière, dans ton mécanisme, dans comment tu y réfléchis, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que ton fils te retient? C'est plutôt une bonne chose pour toi ou limite t'es un peu handicapé par le fait qu'il soit là? Pas handicapé, c'est-à-dire que donc, parce que quand je pense à lui, donc je me dis si je suis pas là, qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Donc est-ce qu'on va s'occuper de lui? Donc qu'est-ce qu'il va penser? Est-ce qu'il va grandir correctement? Donc, c'est à ça qu'on pense. Ouais. Si je te pose la question comme un banal connard, hein, qui comprend rien et qui probablement ressemble à tous les gens qui avaient du mal à te comprendre, qui te renvoyaient l'image que t'étais incomprise, qu'est-ce qui était assez grave dans ta vie pour que tu aies besoin d'en finir? C'est-à-dire que, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que pendant cette période-là, donc, il y a plusieurs choses qu'il faut remonter. Donc, c'est-à-dire que, j'ai vécu, donc, certains problèmes. depuis donc l'âge de 15 ans. Et donc, c'est-à-dire que je n'ai pas pris le temps de discuter. C'est que j'en fouais. Je gardais tout pour moi. Et puis, donc, ce qui est venu s'ajouter, donc, le travail, la maison, les conflits. Donc, ça fait c'est un tout. Donc, c'est un tout. On se dit, bon, ben, qu'il y a eu ça, ça. Pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive? Donc, j'ai toujours des problèmes. Je sais à quoi. Ouais, tu boucles. C'est compliqué, hein. C'est très, très, très, très compliqué, hein. Tu sais, parler du suicide, je trouve que autant les gens qui sont complètement étrangers au suicide peuvent le faire, mais ça peut choquer certains, autant les gens qui sont concernés choquent les autres, parce que on n'a pas forcément le même mode de fonctionnement par rapport à la même situation. On a des réactions sur le web par rapport, par exemple, au suicide de cette jeune fille. Tiens, je pose la question. Elle a 13 ans. Visiblement, ce qui se dit, c'est qu'elle subissait du harcèlement. Morale, raquette, on sait pas très bien parce qu'il n'y a pas vraiment de formule officielle, si tu veux. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur les audios WhatsApp, mais on sait pas pourquoi elle a pris cette décision. Toi, de ton point de vue, de personne qui a déjà voulu passer le pas, qu'est-ce que t'en penses de ce suicide de cette nana qui avait 13 ans du côté des Rivières Salées? Donc, pour moi, si elle est passée donc à l'acte, donc pour moi, c'est que elle est arrivée donc à bout. Parce qu'il y a des personnes qui ont dit que c'est par rapport donc au fait qu'elle avait de harcèlement. Donc, les personnes qui harcèlent, ils se disent pas, oui, je vais. Est-ce que si je fais ça, ils pensent pas aux conséquences. C'est-à-dire qu'ils vont, c'est de la méchanceté, donc pour moi c'est de la méchanceté gratuite. Et donc la personne qui subit, donc elle a subi. Ce type de harcèlement, ce type d'agression, et qu'à un certain moment, elle a encaissé. J'ai entendu donc sa tante qui disait qu'elle avait, d'une certaine façon, qu'elle avait déjà donc alerté sur le fait qu'elle voulait plus retourner à l'école. Donc c'est qu'elle était déjà arrivée à un stade, et après ça, donc. Mais quand t'es étranger à la situation, tu peux te demander qu'est-ce que t'as subi d'aussi énorme. En fait, moi, je trouve que le suicide, c'est intéressant aussi à considérer du point de vue des gens qui sont restés. Ok, des gens qui par exemple ne savent pas forcément toujours expliquer un geste, c'est très très compliqué. Hein. Ça te laisse un espèce de vide, une espèce d'interrogation. Tu sais pas exactement. Même si il y a quelque chose d'assez évident qui se dessine. Il y a une partie de toi qui continue à penser que c'est pas la vraie raison. Parce que pour prendre une décision aussi irrémédiable, en fait, il y a certains parlent même de courage. Ça énerve beaucoup de gens, hein, dans le studio quand je parle de courage. Quand on entend parler de courage à propos du suicide, toi, t'es pas d'accord avec ça, Nancy? Le courage, c'est justement d'affronter ses problèmes. Ouais. Et de continuer à vivre. C'est ça le courage, le vrai courage. On a la réaction également de Kelly qui nous rejoint du côté du standard. Karen, tu bouges pas, tu reviens à n'importe quel moment. Si tu veux rajouter quelque chose, tu fais signe à Kashi, y a pas de souci. Ok, Miss? D'accord. À tout à l'heure. Kelly, bonsoir, tu as 28 ans. On commence par quoi avec toi? Déjà, moi je souhaiter beaucoup de courage à la famille, parce que pour l'avoir vécu, ce n'est vraiment pas quelque chose d'évident. Tu as vécu le suicide proche de toi, en fait? D'un de mes proches, puis de mon frère. Ok. Et moi, je n'avais pas tout l'attrait médiatique, donc je pense que ça doit être ça aussi très difficile à gérer. Ouais. Et il y a déjà la peine occasionnée par l'acte de l'être, mais rajouter avec tout ce que les gens disent, les médias, les audios qui peuvent circuler, moi j'ai trouvé ça très, très déplacé. Par rapport à la petite, en fait, de Rivière-Salée, tu parles? Exactement. Ou même à ton exactement. Époque déjà c'était le cas par rapport au suicide de ton frère? Non, à mon époque c'est passé, je dirais, inaperçu, en tout cas pour les personnes extérieures à ma situation, ouais. À ce que j'ai vécu dans ma famille. Ouais. Mais c'est vrai que eux, la famille de la petite fille, justement, eux doivent gérer la coup médiatique. Et ça, je pense que ça doit être encore moins évident. Bah en même temps, c'est compliqué, hein, parce que tu sais, il y a quand même des pourcentages assez énormes de gens qui sont concernés par cette thématique. Ne pas en parler, je pense que ça serait aussi peut-être encore pire, parce que finalement, on aboutit parfois au suicide. Je dis pas que je maîtrise les raisons, tu peux pas maîtriser les raisons, et je vais même te poser la question un peu plus directement, Kelly. Par rapport à ton frère, ça a beau être ton frère, ça a beau être la chair de ta chair, j'ai l'impression en plus que tel que t'en parles, t'étais vachement proche de lui. Pour autant, je veux pas le formuler mal, ok? Si je le formule mal, c'est que c'est maladroit. Ok, c'est de ma part, c'est maladroit. Mais à un moment ou à un autre, t'as dû ressentir une culpabilité qui est inutile et qui est probablement vaine, parce que tu t'es dit j'ai pas su voir, alors que concrètement tu pouvais pas voir. Et ça, peut-être que tu peux nous expliquer mieux que personne, en fait. Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens encore responsable de ça, par exemple? Parce que tu devrais pas. Oui, quand même, parce que faut savoir que mon frère, à l'âge de 13 ans, a été détecté comme étant bipolaire. Ouais. Donc, il était sous traitement. Ouais. Traitement qu'à 17 ans, son médecin a décidé d'arrêter, puisqu'il était trop fatigué, trop enclin à ne plus faire de... Il ne faisait plus de crise, en fait. Et ça le fatiguait, parce que donc il avait du mal à suivre sa scolarité, pardon. Et en fait, c'est vrai que les premiers signes, on ne fait pas forcément attention. Et je me dis que j'aurais pu être plus alerte. T'avais quel âge quand ça s'est passé? J'avais 15 ans. Franchement, en toute honnêteté, je comprends, hein, que... Alors, je me mets à ta place. Je comprends la situation où tu mets sur tes épaules. Ok? Maintenant, c'est terrible parce que ça te crée une blessure. Je sais pas si t'arriveras à en guérir un jour, mais à un moment ou à un autre, en fait, c'est très compliqué ce que tu te demandes. Tu te demandes à 15 ans de régler ou d'avoir, ou je sais pas comment dire ça, en fait, d'être tellement, tu peux pas porter le fardeau du monde, c'est compliqué. Je sais que c'est ton frère, hein. je dis pas quelque part, peut-être que t'aurais voulu faire plus. Et ce vœu, il est chaste, tu vois. Maintenant, est-ce que tu aurais vraiment pu faire plus? Tu penses vraiment que tu aurais pu empêcher ce qui s'est passé? Ça, parce que du coup, par rapport à sa maladie, c'est quelqu'un qui était quand même très secret. Mais après, il y avait des précautions qui étaient prises. Hein. On cachait les couteaux, les fourchettes, on laissait rien traîner. Et en fait, quand il est passé à l'acte, on ne s'y attendait pas. Ben, pour tout dire, moi, je suis sortie ce soir-là. Ma mère s'occupait de ma grand-mère. Entre 5h du matin, il avait laissé en fait la clé sur la porte, pour que personne ne puisse ouvrir de l'extérieur. J'ai fait le tour, la fenêtre de sa chambre était ouverte, mais je n'ai rien vu. Donc j'ai appelé ma mère pour lui dire que je n'arrivais pas à rentrer dans la maison. Et puis c'est quand le soleil a commencé à lever, en fait, à se lever, que je l'ai vu devant moi tendu. Donc ma mère, elle a juste vu son ombre, mais moi j'ai tout vu. Depuis, je souffre un peu de terreur nocturne. Et c'est pas évident. Jusqu'à maintenant, c'est toujours pas évident d'en parler. Le suicide, c'est difficile, hein, de le justifier. Hein. C'est très très compliqué. Est-ce qu'il y a une partie de toi qui pense qu'il est mieux ailleurs? Pardon, je n'ai pas entendu. Est-ce qu'il y a une partie de toi qui pense qu'il est mieux ailleurs? Je pense, parce que avant tout ça, il disait souvent qu'il n'avait pas sa place ici, dans ce monde. Et qu'il estimait être une charge pour nous de par sa maladie. Et on aurait dû faire attention, on aurait dû faire plus attention quand on l'a entendu parler comme ça. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas si c'est lors d'une crise qu'il a agi comme ça, ou si finalement c'est de lui-même où il s'est dit qu'il était un poids trop important pour nous, en fait. Et c'est ce qui me fait le plus de mal, en fait, c'est ne pas savoir. Parce qu'il n'a pas laissé de lettre, il n'a rien laissé. Vos réactions, 0820-203-200, on revient dans Génération 97, il y a d'autres témoignages aussi. Merci en tout cas d'avoir le courage d'en parler, parce que c'est vrai que il y a beaucoup de non-dits autour du suicide. Il y a beaucoup de choses qui... Et puis même s'il y a une explication qui paraît plus ou moins logique, parfois il y a encore ce doute qui subsiste sur les vraies raisons pour lesquelles ça s'est passé. Hashtag G97, hashtag TraceFM, bouge pas Karen, ni toi Kelly. 0820-203-200, c'est le numéro de téléphone pour nous joindre, à tout de suite.

de pièce. Appelle-nous au 0820 203 200 pour l'avant-première événement de la pièce. Aucun bluff, tout au feeling. Je vis au jour le jour sans savoir ce qui m'arrive. J'avance seul et selon mes envies. Je passe des heures à marcher dans la ville. Je passe mes journées comme si c'était les dernières. Je veux aller à l'aventure, je veux les faire danser. Sans limite, je me fixe aucune barrière. Mon reflet communique et percé. Je sens la lumière se poser sur moi. Il est temps que je vive comme si c'était le dernier jour. Je fais comme si c'était le dernier jour. Je fais comme si c'était le dernier jour. Je fais comme si c'était le dernier jour. Je veux que ça bouge, je me fiche du danger. J'ai envie de refaire le monde à ma manière. Non, j'ai pas envie qu'on en reste là. Je veux faire bouger mon cœur avant qu'il ne soit trop tard. Je sais que demain est un autre jour. Donc je veux tout voir se faire de détours. Je sens la lumière se poser sur moi. Il est temps que je vive comme si c'était le dernier. C'était le dernier jour. Je fais comme si c'était le dernier jour. Je fais comme si c'était le dernier jour. Avec Linda. Le clip est online sur www.trace.fm. Le titre préféré de Hugo. Ouais, j'aime bien. C'est un extrait de la BO de la pièce d'ailleurs, non? Laquelle tu préfères des deux? Estelle ou Linda? Linda. Le mec en fait, il dit tout le contraire de ce qu'il pense. Il préfère Estelle. Mais bon, bah, tu sais que avant la fin de l'année, on t'aura casé avec une artiste, hein, mec. Hein. Bon, il y a la roulette là. Tourne. On a Esther avec nous. Bonsoir Esther. Allô, allô. Allô. Ouais. Tu dis stop quand t'es prête, Esther. Comment? Tu dis stop quand tu es prête pour arrêter la roulette. D'accord. Stop. Voilà, parfait. C'est nickel. C'est nickel. C'est magnifique. Tu nous appelles d'où, Esther? De Cayenne. Ah ouais. Est-ce qu'il y a des souvenirs? Alors combien on lui offre d'invitations, mec? Direction Agora, ça c'est déjà sûr. Deux invitations pour aller voir la pièce. Ça, c'est le premier film du Watibé. Tu y vas avec qui tu veux, Esther? Yes. Ouais, tu peux embarquer toute la famille là. Toute la petite famille. Je te fais d'énormes bisous, Master. Ah ouais, c'est elle, je suis sûr. T'es avec Axel ou pas? Comment? Non, c'est bon. D'après toi. Des bisous. Ah ouais, suis super contente. Pas de problème, pas de soucis. Ciao la blindeuse. 0820-203-200, on a des places encore à vous offrir également pour la séance privée qui aura lieu également en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Synchronisé Agora, Rex ou encore Madiana. Vous guettez bien le signal. La pièce, le gros fou rire de la rentrée. En avant-première Trace FM avec le forfait Sapé by SFR. Forfait Sapé by SFR, ça le fait. Bon, on discute d'un truc pas trop facile là. J'avoue, l'humour est pas forcément le bienvenu parce que effectivement, bah, certaines thématiques ne s'y prêtent pas. On parle du suicide et on revient sur le suicide en fait de Brittany, cette jeune fille de 15 ans de Rivière-Salée qui a choisi de mettre fin à ses jours. Et d'ailleurs, finalement, c'est pas essentiellement que le suicide en fait, que la thématique du suicide qui est intéressante dans ce sujet, c'est aussi le harcèlement moral dont visiblement elle a été victime. 0820 203 200, on a eu deux témoignages assez poignants. Karen qui a déjà fait des TS, c'est comme ça qu'on appelle ça, les tentatives de suicide, et Kelly qui malheureusement a perdu son frère exactement dans cette situation. Vous êtes toujours avec nous en fait, Kelly, Karen, allô? Oui, toujours là, moi. Ok. Bon, allez, franchement, honnêtement, je vais y aller aussi. Moi, j'ai perdu mon meilleur ami, en fait, qui a choisi de se suicider. Et c'est pour ça que, quelque part, moi, je comprends Kelly quand elle dit qu'elle se sent responsable. Parce que tu te dis toujours que t'aurais pu faire quelque chose pour éviter que ça arrive. T'aurais dû être plus attentif, machin, etc. Et moi, j'avoue que cette histoire, ça m'a vachement bouleversé. Hein, ça m'a... C'est-à-dire que même, ça fait 4 ans exactement là aujourd'hui, enfin pas exactement aujourd'hui, mais c'était au mois de septembre, ça faisait 4 ans, je sais toujours pas les raisons exactes pour lesquelles il a pris cette décision, tu vois. Je venais de célébrer son mariage, par exemple, tu vois, j'étais le témoin de son mariage. Ça s'est passé 2 mois après son mariage et je sais toujours pas expliquer. Et quelque part, c'est compliqué parce que t'aimerais pouvoir expliquer pour peut-être te sentir un peu moins dans la souffrance, un peu moins dans la tristesse aussi, peut-être un peu mieux comprendre que tu n'y pouvais rien ou que tu y pouvais quelque chose et que t'as vraiment merdé. Est-ce que toi aujourd'hui, Kelly, au-delà du fait que ton frère était malade et bipolaire, est-ce que t'as réussi à comprendre que c'était pas de ta faute en fait si ça s'était fait? Allô? Ouais. Oui, excuse-moi, je n'ai pas entendu la question. Est-ce que tu as réussi à faire en sorte, toutes ces années après, à faire en sorte de te sentir un peu moins responsable, un peu moins coupable? Un peu moins coupable, oui, mais de temps en temps, tu as toujours des petits relents, comme quelque chose qui te donne une petite arme à la tête pour te dire « et si ?» Puisqu'au final, tu restes toujours dans l'interrogation. Des questions auxquelles tu n'auras jamais de réponse, c'est sûr, mais tu ne peux pas t'empêcher de réfléchir. Dans le cas de ton frère, c'était un peu la maladie qui l'a emporté, en fait. Ben, c'est ne pas savoir, justement, si c'est la crise qui a occasionné le passage à l'acte ou si c'est le fait de ne plus supporter d'être un poids, en fait. On a Lady Cicia qui dit « Son témoignage était poignant, merci d'avoir décidé d'en parler à l'antenne comme ça, respect. » Julie dit que tous les 3 jours, il y a une tentative de suicide dans le pays. C'est plus de 100 par an, il y a un truc qui cloche en fait quand on est environ que 400 000 ou 350 000. On a Sasu qui dit « Le suicide est quelque chose de très difficile et essayer de raisonner quelqu'un est aussi un travail. » Je pense que ça s'adresse à toi aussi, Kelly, un travail qui peut-être n'était pas forcément à ta portée, toi. Et faut pas que tu t'en veuilles. Enfin, c'est compliqué à dire, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont sensibles au fait que tu te culpabilises encore de cette histoire. Princesse Mayou, j'avais pas ma place sur cette planète, c'est exactement ce que je pensais aussi. Bien sûr, il y a d'autres choses à côté. Karen, ça c'est pour toi. Le suicide, j'y ai pensé aussi très récemment d'ailleurs, mais j'ai pensé au final que l'appliquer me serait inutile. Alors, il y a des choses qui peuvent retenir de passer à l'acte. Si on prend le cas un peu plus précis de Brittany qui a été harcelée moralement, ça t'évoque quoi, toi, Kelly? Le harcèlement moral, il paraît qu'elle elle subissait des choses également sur les réseaux sociaux, qu'on s'acharnait sur elle, en fait. Ben, je pense que si elle a été jusque-là, si ça n'a pas dû être facile pour elle, je ne sais pas à quel degré elle était harcelée. De toute façon, au jour d'aujourd'hui, ben, voilà, elle part avec ses réponses. Mais les gens oublient trop souvent que tout le monde n'a pas ne vit pas les choses de la même façon, et peut-être que ce que l'autre personne qui harcelait estimait comme n'étant rien, la petite Britannie, c'est ça, pour elle c'était déjà beaucoup, parce qu'au final on ne sait pas ce qu'elle vivait dans son quotidien déjà, et supporter ça, ça devait être juste trop. Est-ce que tu penses que aujourd'hui il y a des gens qui se sentent mal derrière réseaux sociaux, d'avoir peut-être alimenté cet acharnement, ce harcèlement moral, ou est-ce que finalement les gens se contentent de se dire oh non non mais c'est bon, c'est la sélection naturelle, elle a été fragile, tant pis pour elle. Alors les mauvaises personnes se diront exactement ça, qu'au final c'était comme tu dis la sélection naturelle, et puis celles qui sont un peu plus réfléchies vont se dire ben merde, si je savais je n'aurais peut-être pas poussé à bout, j'aurais peut-être pas dit ci, j'aurais peut-être pas dit ça, et culpabiliseront sans doute pendant un temps, mais c'est vrai que s'il y avait de la remise en question plus tôt, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses qui auraient pu être. Est-ce que t'as un petit truc à dire à des petits frères, peut-être aussi des grands frères, parce que ben dans mon cas précis c'était un grand frère, hein, mon meilleur ami, mais des gens qui pour qui ça peut traverser l'esprit en fait. Moi je leur dirais que ce qu'il faut surtout c'est dialoguer, faire des appels à l'aide. Trop souvent c'est pris à la légère. Trop souvent on se dit ah s'il en passe et qu'il ne le fera pas, c'est du vent, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a ceux qui jouent aussi avec ça. Mais en tout cas il faut parler aux bonnes personnes, et ceux qui écoutent, et ben essayer de les épauler au maximum. C'est vrai que le signal d'alerte c'est quand même quelque chose, hein. Alors il y a des gens qui en veulent beaucoup beaucoup beaucoup visiblement à la communauté scolaire autour de Brittany, ça c'est l'exemple effectivement de Brittany. Le harcèlement moral, aujourd'hui la puissance des réseaux sociaux ou de toutes ces plateformes en fait que rapidement tu peux vraiment vraiment fragiliser quelqu'un. Il y a des gens, je reste persuadé qu'il y a des gens, oui, il y a des gens qui savent pas ce qu'ils font. Ils sont dans l'émulation. Ouais, elle est conne. Eh ben, on lui dit qu'elle est conne. Et puis, on lui dit qu'elle est conne. C'est gratuit de toute façon. S'il lui arrive quelque chose, ce sera pas ma faute. Mais par contre, je sais pas si tu me rejoins sur ça, Kelly, mais je pense qu'il y a des gens qui attendent simplement qu'une saloperie se passe sur Internet et qui font tout pour que ça se passe. En alimentant ces commentaires. C'est vrai. Il y a beaucoup de chauffeurs de femmes, comme je dis. Et ces gens-là ne réalisent pas tout le mal qu'ils peuvent faire, en fait. Tout ce qu'on prend pour des buzz et qu'on partage, on se dit oui, de toute façon, bon, c'est l'information qui veut ça, hein, c'est le système, entre guillemets. Il faut qu'on sache, que tout le monde sache ce qui s'est passé. On partage des vidéos, on partage des photos, et on ne réalise pas en fait que sur ces vidéos, sur ces photos, il y a des gens derrière, il y a des familles, et que ça peut blesser, ça peut faire mal et pousser les gens, justement les concernés, à commettre des actes irréparables demain. On n'a jamais autant connu de gens à travers les réseaux sociaux, autant eu de followers, autant eu la possibilité d'être tous les jours dans leur regard, mais on a rarement été aussi proche d'autant de gens. C'est vrai, hein. Finalement, c'est très très lointain. Tu voulais rajouter un truc, Yosh? Ouais, c'était par rapport au fait que ça se soit passé dans un milieu scolaire. Je me demande, est-ce qu'il faudrait pas former le personnel pédagogique à détecter... former. Ils sont censés être formés. Oui, mais quand tu regardes ça, par exemple, s'ils étaient bien formés, je pense qu'on aurait pu éviter. Pas forcément dans le cas de Brittany, mais dans d'autres cas. Alors, par contre, il y a un truc qui est clair, c'est qu'à un moment ou à un autre, a priori, si Brittany, elle ne signalait plus ce genre de choses, c'est qu'à un moment ou à un autre, elle s'est pas sentie écoutée. C'était signalé, puisqu'encore la semaine dernière, sa mère était sur place pour dire qu'elle subissait le harcèlement de ses camarades. Ouais, mais la semaine dernière. Mais finalement, la réaction n'était pas à la hauteur de ce qu'il aurait fallu faire en fait pour éviter que ça arrive. Tu voulais rajouter un truc, Lilou? En fait, la plupart du temps, dans ce genre de cas scolaire, de harcèlement, etc., le problème, c'est qu'on minimise ce que peut ressentir la victime. Ouais. C'est-à-dire qu'on accepte. Oui, pardon, excuse-moi. On accepte les faits. On accepte que ça se produise, qu'il y ait du harcèlement, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en vrai. Mais par contre, on minimise l'effet que ça peut avoir ou l'impact. Après, je pense que chacun de nous, c'est con, hein, mais c'est valable pour Kelly, c'est valable pour moi aussi. Je crois pas que j'ai minimisé, parce que mon pote, par exemple, il m'a pas appelé pour me dire je vais me foutre en l'air. Il m'a pas dit ça. Mais une semaine avant, tu vois, il m'a envoyé un petit texto pour me dire grosso modo tu fais quoi ce soir. Et j'étais peut-être pas forcément dispo le soir où il m'a envoyé le truc. Et tu sais, tout ça augmente effectivement cette culpabilité de se dire qu'on aurait peut-être pu faire différemment. Le truc aujourd'hui, c'est que je sais pas si t'es un peu dans ce cas-là, parce que toi, ton frère, il souffrait aussi. C'est un truc quand même de très particulier, la bipolarité, mm-hmm. Kelly. Je dis pas que c'est une meilleure excuse ou une meilleure raison, hein. Ça serait très maladroit de ma part de dire un truc comme ça. Mais mais à un moment ou à un autre, en fait, si tu veux, les choses se font telles qu'elles se font. Et c'est terrible parce que finalement, un suicide, c'est vraiment douloureux pour les gens qui restent, en fait. C'est-à-dire que concrètement, vas-y, Kel. Mais si tu veux, pourquoi je me dis que, en fait, pourquoi mon interrogation à savoir si c'était une crise bipolaire ou si au final c'est parce qu'il se sentait entre guillemets de trop et pas accepté comme il était, c'est parce que pendant toute la semaine qui a précédé l'acte, ma mère me disait, parce que moi je dormais profondément, que mon frère venait en fait avant d'aller se coucher me caresser les cheveux. Et elle disait oui mais tu vas la réveiller et il retournait se coucher. Donc et des fois quand moi j'allais à sa porte, je le voyais, il était couché, il réfléchissait en regardant le plafond. Et je me dis que peut-être que si j'avais engagé la conversation, il aurait peut-être pu se confier. Ouais, mais t'as dû essayer de le faire. En fait, je le dis pas pour essayer de te soulager, hein, c'est pas mon rôle, mais à un moment ou à un autre, je trouve que je comprends ta situation et je ressens exactement pareil. Sauf qu'à un moment, je trouve que c'est pas se pardonner parce que t'as rien fait de grave. C'est-à-dire que il a pris sa décision. T'aurais voulu influer sur le fait qu'il ne la prenne pas, cette décision. Voilà. Je comprends, mais finalement, ça te renvoie et moi, ça me renvoie aussi dans ma situation à une impuissance par rapport à son choix, par rapport à. Bien sûr qu'on adorerait conserver les gens qu'on aime aussi longtemps qu'on le veut à nos côtés. Après, malheureusement, cette décision, c'est ça où c'est plus compliqué en fait. Parce que tu parles d'appel au secours. Les appels au secours des gens qui sont véritablement déterminés à passer à l'acte sont beaucoup plus subtils, beaucoup plus compliqués à détecter que des gens qui veulent juste attirer l'attention. C'est vrai aussi, Kelly. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu as beaucoup de personnes qui disent ça pour qu'on puisse un peu plus les regarder. Après, je ne dis pas que ces personnes ne sont pas dans une réelle souffrance, mais en tout cas, peut-être pas au point de passer à l'acte. Et il y en a tellement que du coup, on a tendance à généraliser. Et quand il y a de réelles tristesses, réel mal-être, je dirais, du coup, on passe à côté. On se dit, mais non, demain ça ira, et puis le jour suivant, pareil. Jusqu'au jour où, au final, la personne n'est plus là pour nous expliquer quoi que ce soit, ni pour nous dire je souhaiterais, ou quoi que ce soit d'autre. Loulouche, on voit les gens réfléchissent pas, et après ils sont les premiers à mettre des statuts, ça m'agace. Peter Pan ajoute également... Les harceleurs sont les fautifs, alors qui ça l'école, là c'est mon maillot. Ah oui, attends, alors qui ça, l'école là, c'est Maman Yo. Lunastra a dit, du point de vue scolaire, les gens ne sont pas assez formés quand le suicidaire est malade, bipo, schizo, ça aide pas forcément la victime. J'ai essayé de me suicider et à défaut d'y arriver, parce que quelqu'un m'en a empêché, j'ai commencé à me scarifier, j'ai encore des marques. C'est vrai que, alors après, il y a différents comportements par rapport au fait d'avoir envie de... En fait, je pense que c'est... Je crois que beaucoup de dialogues, c'est important, mais en même temps, le dialogue c'est compliqué quoi. C'est à dire que. Ouais, mais c'est tout ce qui reste. Quand si tu le, discutes si le dialogue, t'arrives pas à le tisser, avec quoi tu veux sauver la personne? Quand tu discutes avec Karen par exemple, Karen, je suis sûr que par exemple tu nous aurais appelé le jour où t'as fait ta TS par exemple. Un peu avant. Ça nous est arrivé hein, déjà dans l'émission. Il y a déjà des gens qui nous ont pris en otage en fait sur l'antenne en début d'émission. Et pendant toute l'émission, on était en. Comme des dingues en train de se dire c'est pas possible quoi, on peut pas nous prendre en otage comme ça machin etc. Il va le faire, il va pas le faire. On a réussi à nouer un dialogue, donc je pense que le dialogue est positif. Mais à un moment, Karen, comment faire pour nouer un dialogue, lier un dialogue avec quelqu'un qui n'a rien envie d'entendre? Tu nous l'as bien dit toi-même, personne n'arrivait à te remonter le moral, personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la seule personne qui pouvait prendre la décision de ne pas le faire, en fait finalement c'était toi. D'une certaine façon, oui. Ouais. Parce que quand on est décidé, c'est-à-dire qu'à un certain moment, donc on va donner donc, des signaux pour qu'on puisse donc, nous aider. Et à un certain moment, donc, on va commencer à se refermer. Et donc là où les gens donc, vous ont commencé à parler, ben, à ce moment-là, on ne vous a plus rien entendu. Donc ça s'est passé, je peux prendre l'exemple de C'était la semaine dernière. J'avais rendez-vous avec le médecin, mais ce jour-là, je me suis bloquée. J'ai décidé, donc je voulais parler à personne. Alors que j'avais donc des choses à dire. Par exemple, sinon, donc, quand on m'entend pas, donc je peux, maintenant, monsieur, on me surveille comme le, du lait sur le feu. Ouais. C'est-à-dire que quand je décide de ne plus parler, donc je ne parle pas, je ne donne pas de signe de vie, j'ai décidé donc de ne pas de parler à personne. Mais à ce moment-là, c'est là que tout le monde peut parler. Mais tu as réussi alors à identifier que, ce qui fait que tu as ces idées noires? Comment? Tu sais pourquoi tu as envie d'en finir? Donc, c'est-à-dire que pour moi, quand j'avais décidé donc d'en finir, c'est que j'en pouvais plus. J'étais arrivée à saturation. Donc c'est pour ça. C'est-à-dire qu'on se ressasse donc à chaque fois qu'il y a telle chose qui est arrivée, qu'il y a telle chose encore qui s'est passée, il y a encore telle chose. Que chaque fois donc il y a quelque chose au fur et à mesure qui s'ajoute, à certains moments on sature. Donc à certains moments on va nous voir rigoler, mais ce sera juste une façade. Donc on va rigoler donc pour qu'on puisse nous laisser tranquille, montrer donc la façade pour dire que tu vas bien, mais au fond ça va pas. Est-ce que par exemple, plus flippant, dans le cas de Brittany par exemple, parce que c'est quand même ce débat qui en amène tous les autres et qui amène tous ceux aussi qui n'en parlent pas, parce que je reste persuadé qu'il y a des gens qui sont derrière la radio, Kelly et Karen, là, des gens qui sont derrière la radio, qui peuvent avoir ces idées noires qui les traversent, sans pour autant arriver à verbaliser, sans... Notre antenne vous est ouverte, hein, 0820-203-200. Le truc, c'est dans le cas de Brittany. Moi, je trouve que effectivement, il y a une responsabilité des gens de l'extérieur. Mais en même temps, c'est compliqué de leur faire. Je vais me faire l'avocat du diable sur cette phrase. Hein. Mais c'est compliqué à un moment ou à un autre de se dire qu'en fait, c'est uniquement de leur faute, quoi. C'est-à-dire que les gens réfléchissent pas. Les gens utilisent l'émulation et d'être plusieurs pour n'être personne au final et n'avoir à supporter aucune responsabilité. Je suis d'accord avec Kelly, je suis d'accord avec Karen, je suis d'accord avec les gens qui le pensent. Mais à un moment ou à un autre, est-ce que aujourd'hui, on est en mesure d'arrêter le harcèlement moral, maladroit? Est-ce que c'est pas un monde un peu trop lisse qui plairait pas aux gens, en fait? Si tu veux, pour moi, enfin, c'est Kelly qui parle, hein. Ouais. Si tu veux, pour moi, au-delà du fait qu'on caractérise ça comme étant du harcèlement, il y a le fait que la personne a déjà ses problèmes et donc son idée fixe, qu'elle a peut-être déjà pensé à en finir, et peut-être qu'aujourd'hui elle a été acheter son pain et que la dame, la boulangère, lui a pas dit merci ou pardon, et que elle s'est dit, ah, donc il y a elle aussi peut-être qui m'en veut. Finalement, elle arrive en cours, le professeur s'acharne. Tu vois, il y a plein de facteurs et, je sais pas comment t'expliquer ça. Et puis finalement, bah, tu en as un qui va faire une réflexion peut-être un peu plus déplacée ou malvenue pour le moment alors que tu as déjà accumulé ça. Et finalement, bon ben là tu vas t'estimer peut-être harcelé. Je vais peut-être loin en disant ça, mais des fois c'est un rien en fait. Ce qui fait que tu te dis, bon c'est bon, je peux en finir parce qu'aujourd'hui je n'en peux vraiment plus en fait. Donc en fait selon toi, enfin pas selon toi, mais... Vu qu'un enfant passe le plus clair de son temps à l'école plutôt que chez lui, quand ça ne va pas bien à la maison, entre guillemets, on peut chercher du réconfort à l'école ou dans les endroits extérieurs au foyer, en fait. Et exactement, quand on n'en trouve pas, ben forcément, ça mine. Exact. Donc, oui, pour moi, c'est ça. Moi, je pense que donc, l'acceptation... Ouais, bah, vas-y, pardon. Tu cherches le réconfort auprès de tes amis quand tu ne l'as pas au niveau de ta famille. Tu cherches le réconfort auprès de... Ouais, le vase communicant, en fait. Exactement. Mmh. Et au final, quand tu n'as ni l'un ni l'autre, ben, tu te sens seul. Tu te sens seul et mon frère était suivi, hein. Mon frère était suivi par des psychologues. Mais je pense que tant que tu n'as pas la sensibilité du déjà vécu, tu restes quelqu'un qui finalement a tout appris dans les livres ou en conférence ou je ne sais où. Et c'est pas le même rapport que si, comme par hasard, hein, tu étais tombé sur quelqu'un qui finalement vivait la même chose que toi et qui était sensible à ce que tu pouvais vivre sur l'instant. Après, tu sais, je pense qu'on peut jamais vraiment saisir la souffrance de quelqu'un. Parce que... C'est compliqué, ouais. C'est... Chacun souffre à sa manière pour différentes raisons. Tout est à ton honneur, hein, d'avoir voulu le faire pour ton frère. Tout est à l'honneur des gens qui regrettent de ne pas avoir fait plus. Mais... Pff, C'est délicat, hein. Quand quelqu'un a pris cette décision, c'est très très délicat. D'après ce que tu m'as dit, tu vois, il avait quand même, il avait quand même organisé la chose de sorte à ce qu'on puisse pas l'en empêcher, bah oui, en bloquant l'accès à la maison. C'est ça le truc. Et puis tu sais, quand tu arrives à souffrir tellement qu'au final tu te sens seul, même quand il y a des gens autour de toi, ces personnes-là, elles peuvent plus rien pour toi. C'est compliqué, c'est très très compliqué. Et pourtant, on peut les lister, hein, les bonnes raisons de vivre la vie. Mais c'est vrai qu'il y en a plein de mauvaises aussi, hein. Il y en a plein de mauvaises qui nous minent, il y en a plein de mauvaises qui nous donnent des coups au moral. Il y en a. C'est vrai que quand tu écoutes, il y a des choses qui t'angoissent, il y a des choses qui se passent pas bien, machin, etc. Il y a des gens qui ne se sont jamais posé la question, peut-être, effectivement, derrière la radio ce soir. Des gens à qui ça a jamais traversé l'esprit de mettre fin à leur jour ou d'éventuellement de se laisser abattre, clairement. Est-ce que c'est pour autant la meilleure des décisions ou la meilleure des choses à faire dans la vie? Moi, je pense que chacun prend ses décisions là aussi, tu vois. Moi, aujourd'hui, j'en suis arrivé à un point où je regarde le suicide de mon meilleur ami en me disant, il a pris sa décision, quoi. Tu vois, c'est compliqué, hein. C'est compliqué à dire parce que il y a une période comme toi, je me suis beaucoup fait du mal. Et puis il y a encore des séquelles, ça c'est certain. Mais à un moment, en fait, si tu veux, c'était un peu le sens de ma question quand je te disais, est-ce qu'il est peut-être pas mieux là où il est aujourd'hui. Je dis pas qu'il faut se satisfaire de ça, hein. C'est toujours un drame de toute façon, et aujourd'hui on le conçoit encore plus. Finalement, le suicide ne soulage éventuellement que peut-être la personne. On a pas les moyens d'aller faire l'investigation au-delà de la mort, hein, pour ces personnes, mais soulage peut-être effectivement ces personnes qui prennent cette décision, mais au final font énormément de dégâts à ceux qui restent, quoi. Moi, je pense que c'est un peu la conclusion du truc. Après, harcèlement moral, tu t'en rends pas compte. Tu sais, nous, on pratique beaucoup l'humour dans l'équipe. On se taquine beaucoup, énormément, on se dit des choses. Tu sais jamais, véritablement, ce qui dépasse la limite. Comment l'autre l'a fait? Ben non, tu sais pas. Nous, à force, certains s'endurcissent dans l'équipe, machin, etc. Il y a des guimauves, hein. Au départ, Nessie, elle pleurait tous les soirs, hein. Nessie, elle pleurait tous les soirs, machin, etc. Machin. Après, elle a commencé un peu à répondre. Bon, c'était toujours pas top. Mais. Et là, maintenant? Et c'est toujours pas top. Mais c'est pas grave. En fait, si tu veux, au final, tu t'es rendu compte que c'est pas méchant quand on le fait. Par contre, le jour où c'est méchant, tu nous le dis, c'est ça? Oui, oui. C'est ça le principe. Bah, c'est tout le temps méchant, donc je le dis tout le temps. Voilà, elle essaye de faire passer ses revendications au passage. Hashtag G97, hashtag TraceFM 0820-230-200. On a une réaction d'Akira qui nous rejoint. Bonsoir, Akira. Allô, allô. Ça va? Oui, tu bouges pas, tu raccroches pas, on t'écoute dans un petit instant. Est-ce que ça dérange quelqu'un, Kelly, Karen, si on se fait une petite soupape de décompression? Parce que on parle de mort, mais il y a aussi la vie. Et en même temps, c'est aussi ce qu'on célèbre dans notre conversation, la vie. On va se faire une petite séquence un peu drôle et puis on revient après, ok? Kelly, okay. Karen, ça marche? Et Akira, on t'écoute dans un petit instant, à tout de suite sur Trace FM. Festival Caribzik revient en mars à bord du MSC Poesia avec Trace. En concert, Wayne Wonder, Tania Stephens, Alison Hines, Ty, Missy Sadik et beaucoup d'autres. Caribzik, clubbing, beach and pool parties, stand-up comedy, sport. 7 îles différentes pendant 7 jours. Séjour au départ de Martinique et Guadeloupe à partir de 699 € par personne. Payable en plusieurs fois. Attention, quantité de cabines très limitée. Tarifs et conditions sur les pages Facebook Caribzik et nayaradouvoyage.com. Caribzik 2017. Avec Trace. Digicel prolonge ses offres de rentrée jusqu'au 16 octobre. Profitez-en. Tous les forfaits Digicel sont à moitié prix pendant 2 mois. Un forfait Air Absolu 500 mégas à 19,95 €. Ça vous tente? En plus, le nouvel Alcatel Idol 4 avec son casque de réalité virtuelle est à 39 € et le Samsung Galaxy J5 édition 2016 est offert. Vivons l'extraordinaire. Digicel. Offre sans mobile, valable jusqu'au 16 octobre 2016. Remise appliquée sur le montant des 2 premiers mois de forfait. Prix des mobiles dans le cadre d'une offre portabilité, durée d'engagement minimum de 12 mois, voire condition en point de vente. Génération F7, 100% radio libre, 100% radio libre. Tous les soirs, sur Trace FM. tonight, mon rêve est offline. Caribbean girl, them. We love them, we love them. We love them, we love them. West Indies girl, them. We love them, we love them. We love them, we love them. Yeah. Moi, ça le clean, mais pas easy. Quel monde est dégagé, l'attaque physique. She whine, she a mash up me head. Dick a plié sous body, couronne physique. Et il peut faire dans tout sens multifonction, girl. Suive-moi, bah on option, girl. She ride it slow, moi savais qu'il y a action time. Il est modou, vin tout champion, boy. Girl, mon rêve est au fly, ouais. Passe à tous les mots, j'en veux entourer. No, girl, mais d'un relais bien, ouais. Passe tonight, mon rêve est au fly. Moi, que fait au fly, yeah. Mon trou, ça me capable. J'en ai qu'au carré, mais rien, on s'arme au cap. Comme mes maltais. Fais-moi péter yon cap. C'est pas taille mannequin. Nos frangins font des permis poils. Le poupée fait planer. Consensuel. Poupée fait planer. Consensuel. Parce qu'il y a l'autre bar. Tout wiki. Comme un moyen beau chat. Sans fumer weed. Caribbean girl I need. Baby my girl fait un fly. Baby my girl fait un fly. Fais on passe un good time. Faut savoir la nuit de la caille long. Faut savoir la nuit de la caille long. Y'en a un fly away. On s'attourne les mots. Around the world, Fuba Molella, Moka Flask, and Moka Caribbean girl, and Oka Lak the world. Fresh, got a man's and pearl. Bad girl, Kabayo Malded, Jeans, Kamal Palais, mais nous pièces pour les SCO, all les suspects, Moka represent girl. Yo, mon est on point, mon shape on point. Chaque côté, mon passé, mon toujours on point. La mobilité que mon gang est biché on point. Caribbean girl, and Oka around the town. Chaque côté, mon passé, mon toujours gangster. Bambi, yo, ça qui capète, yo, t'es non-stop. Mon toujours cabine, qui te défend, ça, chaque son, mon casse-t-il, Kabayo, me want mal and we play a good rhyme and big tune line after line. Nobody make mal and rise him nine. Shoot you up with dubbing on your spine. Sad sound boy, go and go use line. You not ready for this yet, you better reserve. How you play tune, play tune. No matter diamond, play tune, play tune. Holiday, holiday, play tune, play tune. Sound boy, play tune, play tune. How you play tune, so so so. No lady G, just so so so. No matter diamond. Step out in a me black pan black head. At me no chat, please lock my if I don't be back. So why you ask? Got one tank, got one thing. I'm a food beef, yeah, we not no teeth like bully. Food man a snatch left, them a watch muscle for the bread. Full speed a head non-stop. Have me eyes by the price, man a aim to the top. And 90, everything is intact. I like from them switch, I don't know them. Don't give a fuck how we grow them. Them a hype up a damn papi show them. Them a hype up a who grow them. Them switch, I don't know them. Don't give a fuck how we grow them. Them a hype up a damn papi show them. Them a hype up a who grow them. This spitfire not drink spitfire. Weed in a hand while grades are blaze higher. The most I guide and protect with you prior. Chiching, rule it, tell them watch out for the wire. The days of Corville straight to Kentire. The entire place don't know me tempire. Less higher, praises I figure to the messiah. From your shaky, your time expire. The thugs them from them switch, I don't know them. Papa who grew them, them a hype up a them papi show them, them a hype up a who grew them, from them switch I don't know them, don't give a fuck a who grew them, them a hype up a them papi show them, them a hype up a who des Antilles Guyane et sur Trace FM et nulle part ailleurs. 0820 203 200. Appel. La radio est libre tous les soirs pour en discuter, pour parler, pour consoler vos solitudes, pour délirer aussi. 0820 203 200 également sur le net www.trace.fm. C'est pas compliqué. On va rigoler un petit coup. Akira, t'es toujours là? Allô, allô. Akira, bonsoir. Allô? Ouais, ça va? Je m'attendais pas à une fille, je sais pas pourquoi. Parce que je suis une fille, je sais pas. Non mais oui. Je m'attendais pas à une fille. Pourquoi? Parce que je suis une fille peut-être. Bref, tout ça pour te dire que t'es la bienvenue, Akira. On va discuter aussi avec, on va revenir avec Kelly, Karen. S'il y a d'autres personnes qui ont envie de parler, pas de problème aussi. On aura J. Perry tout à l'heure au téléphone. On va parler un peu aussi d'Haïti parce que mine de rien, on peut pas rester insensible quand malheureusement tu as un triste nombre de plus de 900 personnes qui ont été directement atteintes et qui ont payé de leur vie, notamment le passage de cette tempête, de cet ouragan. Matthew, bah ça s'organise dans un élan de solidarité. On va en parler dans un petit instant avec J. Perry. Mais d'ici là, on va se détendre aussi. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est qu'il y a plein de frappadingues sur les sites de rencontres et des frappadingues très drôles. Très, très drôles, qui réagissent plutôt bien au côté entreprenant de Hugo. Non, de Sarah, c'est pas Hugo. Oui, c'est pas vraiment moi. Et faites la distinction, les gars. Je suis en route pour un Golden Globe, pour un Oscar, mais ce n'est pas vraiment moi. C'est une facette de ma personnalité que je monte au maximum, que j'exacerbe, c'est ça? Ouais. Excuse-moi, monsieur, l'héritier des cours Florent. On appelle un certain... L'homme aux trois jambes. On le chauffe depuis vendredi soir. Sauf que là, maintenant, je pense qu'un soir de plus, il ne supportera pas. On y va, on compose le numéro de téléphone en direct. Allons-y. Tu vois, tu fais exprès, tu cherches un peu. Quand tu fais allons-y. Allons-y. C'est mieux comme ça? Non, sois plus viril, mec. Faut vraiment que tu fasses la différence entre le personnage et la vraie vie. Allô? Allô, l'homme aux trois jambes? Ouais. Elles vont bien toutes les trois? Ouais. Moi, ce qui me ferait plaisir, c'est que tu me les mettes toutes les trois en même temps, à l'intérieur de moi. Ah ouais? T'es sûr? Oui. Après, il faudrait que tu sois un petit peu contorsionniste, genre tu m'en mets deux derrière et la troisième devant. Ah bon? Bon, ok, tu es où là? Je viens te chercher ou quoi? Ah ouais, viens, je suis au centre-ville. T'es à pied? Ouais, viens me chercher. Enfin, viens surtout me trouver et me trouer aussi. Ouais, écoute, appelle-moi avec ton numéro, que je puisse te voir et j'arrive. Ah non, mais j'ai plus de portable en ce moment, j'ai oublié de te dire ça. En fait, il est resté coincé au fond de moi. Enfin, je l'avais mis en mode vibreur, mais c'est toute une histoire. Là, je t'appelle du travail, Coco. Tu m'appelles du travail, Coco? Et c'est quoi ton numéro, alors? Pourquoi tu m'appelles en masqué? Oh, yo, mais tu es un petit peu sec, pas dans ta tête ou quoi? Je t'explique que je n'ai pas de portable. Mais tu me parles pas de sexe, alors? Ouais, mais là, tu commences à me saouler, ça a refermé mon crustacé. Mais t'as pas déjà, là, tu m'appelles pour me raconter tes trucs. Bon, moi, je vais chuchoter où? Mais je viens de te répondre, je suis au centre-ville. C'est qui me parle, là, déjà? T'es un gars ou t'es une meuf? C'est quoi ton... Aïe, comment ça? Est-ce que tu veux remettre en question ma féminité magistrale? J'ai l'air d'être un homme? T'es sûr que t'es une meuf avec cette voix? Alors là, tu as tout gagné. Alors de 1, mon coquillage restera fermé pour toi. Et de 2, j'ai un cactus à mon travail. Je vais te chercher, je vais te trouver et je vais t'insérer le cactus. Génération 97. Génération 97. Guadeloupe, Martinique, Guyane. 100% radio libre. Tous les soirs sur Trace FM. Yeah. Big up DJ Son, Big Bad DJ. Make you say, no limit. Got that masterpiece, no limit, baby. Give you that black car, no limit. Just know when you roll with a nigga like me, there's no limit, baby. Make you say, no limit. I see mama murder that, no limit, baby. Give you that ghetto D, girl. Just know when you roll with a nigga like me, there's no limit, baby. You know you fine, baby, you know that you fine. I'm just tryna make you mine, tryna make you mine. Yeah, I'm tryna make you mine. Put a tingle in your spine. We got a vibe, we got a whip, you should ride on it. All of the places I can take you, girl, is limitless. So if you've never been, girl, I would just love to take you there. You don't have to worry about a thing. 30. We don't know none of your words, ayy. We don't know none of your words, ayy. I like my women real tall, ayy. Tactic could really play ball, ayy. You buy my hat at the park, ayy. Think I might really play ball. Got them bad bitches on my ding-dong. Ask your mama how she get the jeans on. If it's game time, I'm a ball full court. Feel like my control with them rings on. Every superhero need a theme song. Another 100,000 off a ringtone. Shorty leave me like an ice cream cone. Got me beating on my chest like a King Kong. Beating on my chest like a King Kong. Beating on my chest like a King Kong. They just ain't got shit on me. Beating on my chest like a King Kong. Got the bad bitches on my ding on. Ask your mama how she get them jeans on. If it's game time, I'm a ball full court. Feel like my control with them rings on. Real nigga from the 60. Me. Bullshit, you gotta miss it. Hood nigga in Givenchy. Hood nigga in a Bentley. Who that say they want the pressure? I'm reserving you a stretch. Different closet, different texture. I'm just on another level. Real nigga neck full of jewels on. Whole clip gone, nigga move on. Bankroll sitting on sumo. Cutting up and trapping like a motherfucking boom. Glock flipping nigga like a futon. Y'all niggas scared like what's up? Throwing green rain, nice guy, mean chain. Pull up in a cream ring. Orange seats, orange feet. What do all that orange mean? Old rich ass nigga, I got his guys. Rose gold watch, but my bottle pink gold. Three red hoes walking around in red robes. Can't stay the night, I'm not the type to be on Skype. Ho, woke me out, said that I was gonna. She tellement vrai que j'ai l'air fou. Ma maman m'a dit laisse les parler, c'est que des mots. C'est que des mots, c'est que des mots. Ils font des roulés pour les couler sous mon flot. C'est que des mots, c'est que des mots. Mes négros sur sont avec moi, j'en viens tes autres. Guadeloupe, Guyane, le soir, exprime-toi librement dans Génération 97 sur Trace FM. Tout à l'heure, il y a le Hey Baby Allo en direct. On revient également avec du sexe confessionnal. On parlera de quoi dans le sexe confessionnal? Non, tu prends pas mon micro. Tu fais trop de trucs sexuels dessus. Oh là là. Alors ce soir, dans le sexe confessionnal, on va parler des parties à trois. Ok, parties à trois. Ah, c'est pour ça qu'il a lancé un sondage, Sabri, sur Trace. Oui. J'ai répondu, je me suis rendu compte que je faisais seulement partie de 18% de la population. Ouais, ça s'est monté grâce à toi. Bref, on en parle dans un petit instant de ce sondage. On parle de votre expérience également dans l'anonymat. L'anonymat le plus complet. Le plus complet. Hashtag G97, hashtag TraceFM, 0820 203 200. Également. C'est notre ennemi, il faut pas l'aider. D'ici là, on parle un petit peu expérience, on parle et on rebondit aussi forcément sur ce triste fait d'actualité, cette jeune fille de 15 ans du prénom de Brittany qui a choisi de mettre fin à ses jours suite à du harcèlement moral. Vos réactions, il y a des expériences personnelles qui se partagent, qui s'entrecroisent entre par exemple Kelly, mais aussi Karen. Je crois qu'il y a François qui nous rejoint également dans un petit instant. Bonsoir François, allô allô, comment ça va? Allô. Yes, ouais, tranquillement, tu bouges pas, tu raccroches pas, il y a Akira qui a appelé juste avant toi. Akira, on t'écoute, tu voulais réagir toi aussi. J'ai tellement de trucs à dire sur ça que je sais même pas par où commencer en fait. Bah alors, tu veux que je te donne un mot et tu commences? Si tu veux, je me place des deux côtés de la barrière, où la personne qui a eu besoin d'aide et la personne qui a essayé d'aider. Donc, ok. Ben on commence par la personne qui a eu besoin d'aide. Quand j'étais partie dans mon collège et en seconde, je sais pas, je crois que j'avais une malchance. Toutes les classes où je tombais, j'ai été le souffre-douleur de la classe. C'est-à-dire que j'arrive, je vais prendre plutôt le cas de la seconde, j'arrive en seconde, j'ai déjà des problèmes chez moi, mais genre franchement, et j'ai 28 élèves. Ils sont sur mon dos. J'ai parlé à l'administration. On n'a rien fait pour moi. J'ai parlé à ma CPE. J'ai parlé à la proviseur adjoint. On n'a rien fait pour moi. La proviseur, je m'en fous parce qu'elle ne pouvait pas me plaquer. Donc, je me suis retrouvée toute seule. Isolée. Voilà, complètement. j'ai eu du bol. Non, j'ai eu, dans mon cas perso, j'ai eu du bol parce que j'ai eu des potes qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu quand même. Enfin, quand même, j'étais déjà vers janvier, décembre, janvier, hein, que j'ai eu mes potes quand même. Hein. Donc, tout le premier trimestre, j'étais toute seule. Et à défaut, franchement, de pouvoir me suicider, franchement, parce que avec les problèmes qu'il y avait à la maison, je me suis dit, je ne peux pas laisser ma maman comme ça. Et juste pour moi, franchement, c'est juste pour ma mère et mon frère que j'ai rien fait, parce que si c'était juste pour moi, putain, mais ça fait longtemps que vous n'auriez plus entendu parler de moi. Mais du coup, à défaut... Ouais, ça fait un espèce d'effet de yo-yo, en fait. Ouais. Donc du coup, j'ai quand même... T'es toujours sur le fil du rasoir, en fait. Voilà, c'est ça. Enfin, maintenant, ça va mieux. Maintenant, franchement, ça va mieux. Bon, j'ai toujours de temps en temps des passes que je me dis, putain, mais pourquoi je crève pas? Et sinon, en général, ça va mieux. Sauf que, du coup, j'ai des cicatrices. Parce que je pouvais pas me tuer, donc je me faisais mal. Je me faisais du mal. Tu faisais des scarifications, des trucs comme ça, en fait. Voilà. Mmh. C'est ça. Mmh. Et, ça se voit beaucoup, en fait? Non, en fait, j'ai qu'une seule grosse cicatrice. Enfin, grosse. C'est à peine 2 cm. Hein. Parce que moi, je faisais bien les affaires. Moi, je faisais des marques de façon à ce que ça saigne, mais que ça laisse pas de traces. Parce que je voulais pas que ma mère, elle voit ça sur moi. Je voulais pas qu'elle sache que dans ma tête, il y avait un truc qui allait péter. Je voulais pas. Pardon, excuse-moi. Ouais. Je voulais savoir à titre... Oui, tu voulais quoi? Je voulais savoir si, à titre personnel, ça t'avait aidé d'extérioriser cette souffrance intérieure. Avec la clarification? Oui. Pas du tout. Non. On se dit, quand on le fait, on se dit, ouais, ça va me soulager. Sur le coup, oui, ça va. Et puis après, moi, quand je regardais mon bras, dans les moments où ça allait, je me disais, mais putain, mais qu'est-ce que je fous? Pourquoi j'ai fait ça? Tu vois? C'était des phases, franchement. C'est un petit peu comme si j'étais bipo, parce que je suis pas, j'ai un autre truc, moi. Mais voilà. Et ça, c'est comme ça depuis le collège. Je suis mise à des harcèlements, etc. Et là où moi, j'accuse les administrations des écoles, c'est qu'on m'a sorti, quand j'étais en cinquième, une CPE hein, de mon collège m'a sorti. Tu devrais apprendre à te défendre. Donc selon toi, elle n'était pas formée pour ce genre de situation, en fait. Ouais, voilà. Mais est-ce que... Enfin, je suis d'accord qu'on peut reporter la responsabilité, on a besoin d'un coupable. Mais est-ce qu'on peut être formé à ça? Je sais pas. Surtout, est-ce qu'on a toujours la bonne réponse? Est-ce qu'il y a une bonne réponse universelle pour chaque personne? Dire que tu dois apprendre à te défendre, ça peut être une solution pour certains. C'est pour ça que je pense que quelque part, à un moment ou à un autre, choisir de pas forcément mettre fin à ses jours de manière irrémédiable, se confronter, je pense qu'effectivement, il faut arriver à un moment ou à un autre, pardon, surmonter les épreuves qui peuvent nous être soumises, en fait, tu vois. Et là où c'est compliqué, c'est que je trouve pas ça lâche. J'irai pas jusque là, tu vois. Il y a des gens qui aiment bien, quand ils parlent de suicide, parler de courage et de lâcheté. Ok, il y a des gens qui détestent entendre courage, par exemple à propos du suicide. Il y a des gens qui adorent utiliser le mot lâcheté. Ouais, finalement, la personne n'a pas eu le courage d'affronter toutes les épreuves de la vie, de machin, etc. C'est de la connerie. Ouais. Parce que les gens ils disent ouais, faut être lâche pour se suicider. Excuse-moi, est-ce que tu sais ce que ça fait quand tu as le couteau ou la lame dans ta main, que tu regardes ton bras et que tu penses à toutes les personnes qui sont derrière toi et qui vont être tristes quand tu vas crever? Parce que moi c'est ce qui m'est arrivé. Moi j'ai à peu près tous les jours ou tous les deux jours, j'avais la lame posée sur mon bras et j'allais bien couper, hein. J'allais bien faire en sorte qu'on puisse pas me sauver. Et je me dis, si je le fais, ma mère, elle va faire quoi? Juste ce truc-là, ça fait blocage dans ma tête. Sauf quelques fois où c'est quelqu'un qui m'a chopé, franchement, parce que j'étais arrivée à saturation. Donc, le fait de se défier, ne serait-ce que d'essayer de se suicider, c'est pas un acte de lâcheté. Au contraire, faut l'avoir, la souffrance à un certain niveau pour le faire. Parce que tu fais pas une tentative de suicide juste pour le fun. Si tu le fais, c'est franchement qu'il y a un gros souci. C'est pas une question de lâcheté ou de courage. C'est que, au bout d'un moment, tu accumules, même si tu parles, même si tu vas voir des psys. Moi, j'ai vu des psys. Les psys, ils m'ont pas aidé dans le fond. Ils m'ont pas aidé. J'ai parlé avec eux et tout, mais ça n'a pas réglé mes soucis. Parce que il y a le fait de parler au psy, mais il y a le fait que de l'autre côté, ça continue toujours. Tu te fais toujours harceler, tu te fais toujours insulter, tu te fais toujours maîtriser. Et ça continue tous les jours. Ça joue dans ta tête. Donc, c'est pas une question de lâcheté. C'est juste une question de quand il y a trop, ça casse. C'est comme une machine. Si tu forces trop la machine, mais qu'est-ce qui se passe? Elle pète. Quand tu pousses trop ta bagnole, ça pète. Et ben, le speed en humain, c'est exactement pareil. Donc, c'est pas une question de lâcheté ou de courage. C'est juste une question d'endurance. Et il y a des gens, ils ont moins d'endurance que d'autres. Moi, j'ai eu de la chance parce que au collège, mes problèmes personnels, j'ai laissé passer après celui de certains amis. J'ai pas réussi à en sauver. Il y en a d'autres que j'ai réussi à sauver. Et la meilleure réponse, en fait, par exemple, à quelqu'un qui n'est pas forcément équipé pour prendre la chose en face de la même manière, c'est que tu aimerais que naturellement les gens en face se pose la question. Déjà, moi je pense que les gens devraient se dire si je vivais ce que la personne vivait, qu'est-ce que je ferais? Juste ça. Et à ce moment-là, tu vas avoir des gens qui vont dire ouais, mais moi si j'étais à sa place, je recasse des gueules, machin, non. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Moi je suis quelqu'un, franchement. Je suis quelqu'un de très nerveux, de très explosif. Tu vas mal me parler, je vais t'en foutre une direct. Mais il y a des trucs, ça m'a vraiment touché. Je vais pas m'énerver, je vais juste tourner mon dos parce que j'ai envie de pleurer. Tu vois? Et c'est là que les gens ne comprennent pas. La personne, elle peut être aussi grande gueule, aussi quelle qu'elle veut. Du moment que tu as touché la petite partie sensible, la petite partie où tu es encore un enfant, tu es encore un bébé, là c'est bon, c'est foutu. Tout ton armure de thug, etc., là, c'est mort. Et moi, c'est ce qu'on a fait. Et c'est ce qu'on a fait depuis que j'ai eu. Du coup, ben. Merci beaucoup en tout cas Akira pour ton témoignage en toute honnêteté. Bouge pas, raccroche pas. Merci à Kelly aussi, à Karen. 0820 203 200. Dans deux petites secondes, on va se préparer à sourire un petit peu aussi dans la radio avec du Hey Baby Allo juste après ça. Cette semaine, Trace FM, le Crédit Agricole et Yop Never Stop t'offrent ton nouvel iPhone 7. Ton nouvel iPhone 7 t'attend. Dès qu'il sonne à l'antenne, appelle le 0820 203 200, file-nous ta combinaison à deux chiffres et si elle est validée par Siri, c'est gagné. Tous les jours. Le Crédit Agricole Martinique-Guyane, toute une banque pour vous et Yop Never Stop, l'unique, le seul Yop fabriqué chez nous, t'offre ton nouvel iPhone 7. Trace FM, premier sur l'iPhone 7. Plus d'infos, trace.fm. Le gang des Antillais. Mon père était un vieux nègre en colère. Tout juste arrivé à Paris, Jimmy, en mal d'intégration, se retrouve entraîné dans un gang. Jimmy, il y a d'autres façons de gagner de l'argent. Pas ici. Et une spirale infernale débute. On ne crie pas. Le gang des Antillais, le nouveau film de Jean-Claude Barney avec Neg Marron. Un film militant avec JJ Apali et Vincent Vermignon. Tu vas finir en prison. Venez écrire la légende LGDA, le gang des Antillais. Pourquoi t'as laissé faire ça? Un film basé sur des faits réels. Dans vos cinémas Madiana ce samedi 15 octobre. Jimmy. Avec Trace FM. Info, madiana.com. I'm sorry. Mister SM en sonnerie exclusive sur ton phone. C'est maintenant et c'est direct sur ton mobile. Envoie Mister par SMS au 98000 et télécharge la sonnerie, l'alerte SMS ou le réveil. Mister au 98000. Service édité par Access Interactive. 1,50€ plus coût du SMS. 2 SMS max. Le soir. Génération 9-7. Personne peut tester. Génération 9-7. Sur Trace FM. On a François qui nous rejoint du côté du standard. Bonsoir François. Allô. Allô. Oh. Yo. Faut pas, ok? Ah putain, c'est la radio qu'on entend derrière toi, mec. Y'a de l'écho, triple écho. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Non mais il faut que tu fasses quelque chose, on va pas, on va pas passer toute la soirée comme ça. Je sais pas, il doit écouter sur le web ou un truc comme ça parce qu'il y a un tel décalage, mec, tu seras jamais le premier à nous appeler quand il y a un jeu. Hein. Bon, et François, il paraît que t'es là pour du canular, mec. Tout à fait. Alors, on fait quoi comme canular ce soir et on le fait à qui? C'est le moment où tu prends la parole. Francisco. Donc, comme je dis, putain, le mec il écoute. En fait, Francisco il écoute à la radio, tu sais, et puis 3 secondes après, donc je disais. Non, j'écoute pas à la radio, je suis au téléphone là. Ah, tu me rassures. Donc on piège qui? Voilà, donc comme je disais, j'ai un numéro. Oui. Une célébrité. Oui. C'est un artiste. Mais encore. On joue pas au c'est qui, hein. Bon, qu'est-ce que tu veux lui faire à cet artiste? Alors, faudrait déjà qu'on l'appelle. Oui, non mais on a compris, de toute façon on va l'appeler. Tu veux lui faire croire? Croire? Mais j'ai pas d'idée précise. Eh ben voilà, tu commences par ça et on s'en occupe. Voilà. Est-ce que tu as une copine, mais François? Ce que j'aurais aimé précisément, c'est que ce fabuleux canular que... Ni vu ni connu, hein. Incognito presto. Mais qu'est-ce que... On va pas lui dire que c'est toi, quoi, c'est ça? En soi. Vous pouvez m'appeler Jean-Michel. Alors François, le numéro de téléphone de l'artiste... Jean-Michel. Oui, Jean-Michel. Le numéro de téléphone Jean-Michel. De l'artiste, donc on le compose, mais le scénario, on est censé l'écrire, c'est ça? Voilà. Bon, bouge pas, raccroche pas. Le temps qu'on s'en occupe, on va faire du Hey Baby Allo. Ça ressemble à ça, c'est tout à l'heure sur Trace Mala Guadayana. Kalash au téléphone. Allô? Hey baby allo. C'est qui? J'espère que je vous dérange. Ne me dérange pas, mais parle. On s'est défogué au con, Piana. Oui, mais et c'est qui? Mets-toi à l'aise, vas-y. Et je suis à l'aise, mais qui c'est? Il faut d'abord se présenter et puis parler après. Pardon, Abdoula. Bon, je cours, je me déplace vivement, j'étais en train de faire quelque chose là. Et puis, c'est Marco. On est des monos, puis signé, puis ça. Je vais raccrocher parce que mon bail est pour moi fait. J'ai la solution à tes problèmes. Quelle solution? On s'est défogué au con, Piana. Mais quand même, donne ça, ouais. J'ai pas compris. Il y a trop de bruit autour de moi. Fini pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je rêve de toi. Mais ma pensée qui moune. Ben, patate maman, ouais, mais quand il commence à parler ça, et puis c'est bon. Pas mis qui vous nous parler, pas qui vous nous parler là, mais pas comme Adou. Ça, c'était vendredi soir. L'appel en live du Hey Baby Allo débarque juste après ça. C'est Tijo derrière les platines. On revient avec du sexe confessionnal. On aura également avec nous tout à l'heure au téléphone Monsieur J. Perry. On prendra des nouvelles d'Haïti. On jouera également une nouvelle fois. Guettez bien les signaux, histoire de repartir avec des cadeaux dans la Trace Radio. D'ici là, Vibes Cartel, Fever, l'heure tourne sur Trace FM. Tic tac, tic tac. Backshot, somehow you got extra, forget me not. When it's sweet, you, what you say? Fever, buy your punani. Point for me, baby, everything crisp. My good love make you turn and crisp. Fever, buy your punani. Point for me, baby, everything crisp. My good love make you turn and crisp. When you look back on you, I mean that. Darby style, puppy whisper. My cocky so hot, it give the fire fever. If you can't broke it off, hasta la vista. Lal affi, ava, pussy, power. Grab it, lego, quit, lower. Godo, lover, godo, cobra. Tattoo, color, war, summer. Millipi, wanna pump, pull up, pussy, lippi. Call up, I'm all of my, all of bad. Feel it, dilly, bella, best, fall apart. Feel it, dilly, bella, best, fall apart. I'm shot, somehow you got extra. Forget me not. depuis le départ. T'as senti moi bien aller tous les jours en vérité, wow. Y'a nous qui aille là où vous aille. Ou pas qui quer moi, elle veut mettre sentiment en otage. Y'a nous c'est une belle jeune femme. En vais pas ouvrir des selles. Moi qui fait tout pour ses temps, moi. Parfois c'est là qui rete derrière. Et nous qui flex faut occuper des mounes. Et qui a dansé en tout cas senti moins bien. Qui pour aller sans retour. En nous parti sans garder derrière. En savons jour qui est temps, moi. C'est les moins forts pour pas faire ailleurs. En He never see a girl with a bad song yet. He never see a girl with a bad song yet. Girl, me never see a girl like you. You want to see a she a ice and wine, ice and wine. Pine up your body for me one more time. Ice and wine, ice and wine, girl. Your skin smooth and your look so refined. Ice and wine, ice and wine. Me love how you flow on your waistline. You know sour, sour like a lime. You got to be jukey like a pine on your back. Why this make you feel like though? Why this make you feel like though? Why this make you feel like though? Girl, come wine till you broke off your back, broke off your back, broke off your, broke off your, broke off your back. If you broke off your back, broke off your back, broke off your, broke off your, broke off your back. Girl, you know you got the glue, know you got the glue, know you got the glue. Come broke off your back, broke off your back, broke off your, broke off your, broke off your back, girl. Who you are ramp with? On a game. Anytime you're ready, girl. Let me name. The place get wet like in a rain. Can I make you feel high like on a plane? She say I saw the love, the art. Baseline sweet and I touch the spot. Dancing, she love to that. Girl, go to the chat. Come wine till you broke off your back, broke off your back, broke off your, broke off your, broke off your back. Broke off your back, broke off your back, broke off your, broke off your, broke off your, broke off your back. Big up Tijo, big up Tijo, big up Tijo, what's up Red Matou? Blika, Tijo, c'est pas chez les tours, à fond la caisse. Manque banzu, sautez Tijo, sinon pas pour que fin kaou. Irix pisson content bendao, kasse au confort kin kakao. File franchien qui derrière les baou, what's up Tijo, solide Red Matou. Yo pe pa coule solide Red Matou. Policeman mérite coup de râteau. A double moins presse de son château. Big up Tijo, WhatsApp Fred Mato. WhatsApp les frais chers chez Volga Saint-Jean. En ville la digue l'on tout côté c'est pas chaud. En flou coulé l'on, on a tout les frères. IPDS, mais qui va bli pas des belles. Pourquoi car régal ou pas top modèle. Pins, réseau, calé, quoi ou bezel. T'inquiète, j'maîtrise qui binon, pas frère. Jaloux manque à manger ou couillon fucking Benzel. Pas fait Jean, pas fait Madame Fidel. Les basques résonnent, nous gars, ouest une ficelle. Je dirais DJ. Fuck policeman mérite coup de râteau. Fuck, fuck policeman mérite coup de râteau. Big up Tijo, what's up, what's up, what's up. Now it's solid K2, all over the place, so speak up for yourself. Man, the man, them don't say that you punch, you pop, extra pop and rock. Chance man, I rave on this one, new brand, don't become number one. Watch it. Cross FM. Génération 97. Le soir, y'a pas de limite. Tout à l'heure, il y a du sexe confessionnal. On parlera de quoi dans le sexe confessionnal ce soir? Sois pas pressé. De plan pressé, à plusieurs. Hein. Pardon? De plan à plusieurs. Tu es en train de préparer. Après avoir demandé à Sabri, Sabri lui a dit non. Elle va voir le stagiaire derrière, lui fait « Tu fais quoi, Tikam, ce soir? Tu fais quoi ?» Tout à l'heure, elle va se retrouver, tu sais, dans la config Taz avec Tikam. Jorlan, tu veux y aller ou pas, Tijo? Non, c'est bon, ça ira. C'est bon? Vivante, oui, ça ira. Tu veux pas de problème avec Solène BRB? Non! Avec son cabane pépé. Quelle est la blague de Bambo? Quelle est la blague de Bambo? Non, pas ta gueule, Yannick. Chata boulut, boulut, boulut, boulut, boulut, boulut, boulut, boulut, boulut, boulut, boulut, chata boulut, boulut, boulut, boulut. Pourquoi tu n'as pas joué ça ce soir? Moi j'aime bien. Parce que j'en ai marre que tu me fasses chier. Tu vois, c'est pour ça. Ah, tu te rebelles, Tijo, c'est ça, tu te rebelles. Ils sont mignons tous les deux. Tu te rebelles. Ok, pas de problème. On a du sexe confessionnel donc tout à l'heure. Exact. Bien annoncé, ça donne quoi? Bah, c'est-à-dire qu'on va parler de plans à plusieurs. Enfin, au-delà de deux, quoi. Elle a pas encore défini combien de personnes il y aura. Non, parce qu'on est quand même en train... Trois minimum. Le spectre, c'est large. Parce que le plan à trois, c'est un plan à trois. Ouais. Mais le plan à quatre, c'est déjà un gangbang. Le plan à 5, c'est déjà un gangbang. Non, le plan à 4, ça peut être deux couples qui font de l'échangisme. Regarde la meuf, tu sais. Moi, ce qui est important, c'est le logement, en fait, par personne au mètre carré. Non, mais à 4, ça peut être deux couples qui font ça ensemble. Ah ouais, c'est vrai que c'est pas pareil, mais déjà, le plan à 4, c'est pas le plan à 3. La config est vraiment pas la même. Il y a forcément quelqu'un qui a quelqu'un en double exemplaire. Le plan à 3 est forcément beaucoup plus fantasmant, quoi. Fantasmagorique. Non. Enfin bref, tu fantasmes beaucoup plus sur le plan A3. Tu aurais pu le dire plus simplement en fait. Je fantasme pas sur le plan A3. Tu l'as réalisé? Oui. Mais putain. Tu peux encore fantasmer dessus, c'est pas parce que. Avec qui? Tu t'exposes, Sabri, à ce qu'elle te dise. Devant tout le monde. Tu n'as jamais éveillé aucun instinct sexuel chez moi. Mais toi, la phrase qu'elle sort à tout le monde. Tous les gens qu'elle veut pécho désespérément. Vous n'avez pas couillonné, madame. On sent une frustration dans ta voix. Non, pas du tout, je ne suis pas frustré. Et toi? Non plus. Ah bon? Bref, on parlera sexe dans un petit instant, on couchera les petits d'ici là. On revient avec du Hey Baby Allo. Et pour François, ton canular, mec, ça sera demain. Parce que, en fait, j'ai conscience d'un truc, ok? Il m'a expliqué un peu hors antenne parce que tu étais pas super clair en fait en direct, ok? J'ai compris qu'on a quand même le numéro de téléphone d'un artiste exposé. J'ai compris que ce numéro de téléphone, tu aimerais qu'on le compose. J'ai compris que tu n'as pas forcément de scénario, mais j'ai compris aussi que tu veux rester particulièrement underground. C'est-à-dire que genre, on n'a pas eu le numéro par rapport à toi. Juste pour ton information, c'est juste qu'on n'a pas eu l'idée de le faire parce que le numéro de téléphone, on l'avait déjà. Ok François? Donc moi, ce que je te propose, c'est qu'on on te fait un plan sur mesure, ok? Payable en 4 fois sans frais. Tout en changeant mon prénom, bien sûr. Bien. Oui, Jean-Michel, oui. Oui, Jean-Michel, si tu veux. Voilà. On t'appelle Jean-Michel, Bernabé, comme tu veux, comme tu veux, mec. Okay. Voilà, du début jusqu'à la fin. Hein, ouais, voilà, ok. Oui, okay. François. Ok, François. Jean-Michel. C'est ce qu'on a dit. François. Écoute-moi. On va l'appeler, on n'avait pas besoin de toi pour avoir le numéro du gars en question. Ok. Ah non. Donc rassure-toi, on ne te balancera pas, ok? Maintenant, on n'a pas forcément pensé à ce mec-là pour le piéger, et c'est une bonne idée. Donc ce que je te propose, histoire de pas merder, de pas faire tout n'importe comment, on le fait demain soir, proprement au début d'émission. Votez. Bonsoir. Bonne soirée, à demain. On le fait demain, ok? Ah, demain! Ouais! Demain! Le lendemain d'aujourd'hui! Et pourquoi? Parce que, en fait, comme tu es arrivé sans scénario, et que c'est pitoyable, en fait, d'arriver sans scénario, on va te l'écrire à ta place. Mais par contre. Ah, d'accord. Pour que ça prenne de l'ampleur, on va le faire demain soir, Frangin. Ok? D'accord. Ça marche? Y a pas de soucis. Yes, aïe. Y a pas de soucis. Dans un petit instant, il y aura également J. Perry avec nous au téléphone. On prendra des nouvelles d'Haïti parce que mine de rien, Haïti, vous le savez, c'est dans tous les journaux. A payé un très très lourd tribut au passage de l'ouragan Matthew. Le pays a besoin de se reconstruire. Il y a forcément des élans de solidarité. Il y a aussi des personnes qui ont vécu notamment cet ouragan de plein fouet, qui font partie de la population et ils se feront écho tout au long de la semaine. Parmi eux, Wyclef Jean, mais aussi ce soir J. Perry. Ça sera juste après le Hey Baby Allo, on appelle France Lise, je crois. Ouais, France Lise, la maman de Michael. Ou Michael. Merci. Allô, bonjour. Allô. Comment? Oui, ok. Allô. Oui, bonjour.

and I feel it nice. The path that I chose comes with battles to fight. As long as I'm living, my future is shaping, and where I am heading, got no time for problems. Hold the weight on your shoulder, put the problems behind you. If you fall down, just get up and get your head out the dirt. And when they try to fight behind you, have the talking behind you. Tu parles ton cause et négro des barrages. Tu parles les barrages, demande à Jonka. Le bol le NFSO à la place du barbane. Qui donne le sexo, lunettes quartier. Les petits qui parlent, moi voilà, faut tous les tarter. Des têtes armées, chez nous y'a les bravas. Dans mon sol les fils de pute qui parlent, mais des les gars. Tous ces enfoirés, chez qui boit sur moi, ouais c'est pas ta mentie. J'ai pas de fiche de pêche, je connais pas mon salaire, mais je parle des Gucci. On m'a dit qu'à fou d'être la concurrence, j'vois que des abrutis. Tous là pour le même but, reste dans le merdisco et puis fais le mou. Génération 9-7 dans une poignée de secondes maintenant avec J. Perry au téléphone. On va prendre des nouvelles d'Haïti. Toute la semaine, les artistes se mobilisent face au passage de Matthew. Haïti a payé un très très lourd tribut au passage de cet ouragan. Hashtag G97, hashtag Trace FM 0820 203 200. Restez avec nous. De libre expression, 3 heures de libre expression. Génération 97. Génération 97, la plus grosse libre antenne des Antilles Guyane sur Trace FM. Dans un petit instant, on parlera sexe confessionnal, c'est sûr. Mais d'ici là, nous avons notre ami J. Perry qui débarque du côté du standard. Comment ça va, monsieur Jonathan Perry? Allô, allô? Allô, allô? Allô, tout va bien? Ça va, tout va bien, tout va bien. De notre côté, en tout cas, effectivement, et c'est vrai que l'élan est manifeste. Il réunit tout le monde autour d'Haïti parce que, mine de rien, c'est un très, très lourd tribut que paye le pays, notamment au passage de Matthew. Comment ça s'est passé? T'as vécu le passage du cyclone sur place? Comment ça s'organise? Et bon, d'abord, je salue tous les auditeurs qui écoutent maintenant et tous ceux qui aident déjà, tous ceux qui pensent à Haïti et God Haïti dans leur prière. Mais moi, il faut dire que du côté de, je peux dire, Port-au-Prince, c'était pas trop grave. C'est surtout du côté et sud et Grand-Anse que ça a vraiment frappé. Hier, j'ai été personnellement voir, j'étais au CAI, j'étais à Côte de Fer et j'ai personnellement vu les dégâts. Et on était un bon groupe de jeunes pour distribuer de la nourriture. Et parce que c'est ça, c'est ce qu'ils ont besoin de plus, c'est la nourriture, c'est de l'eau. Parce que le cyclone a tout écrasé, les maisons et les plantations surtout. Donc les gens, ils ont beaucoup perdu et ils ont besoin d'aide. Alors, J. Perry, je sais qu'il y a pas mal d'initiatives en fait dans le pays. Je pense que ça ne t'a pas échappé non plus. Il y a une polémique autour des initiatives en fait caritatives autour d'Haïti. Beaucoup d'Haïtiens montent au créneau et disent « Arrêtez de nous envoyer de l'argent via des ONG, donnez-nous l'argent directement. » Toi, t'en penses quoi, toi qui es dans le pays? Parce qu'en fait, visiblement, il y a beaucoup de gens qui ont été déçus des sommes qui ont été amassées après le tremblement de terre et de la redistribution ou de ce à quoi ça a réellement servi en fait à améliorer le pays ou à reconstruire le pays. Qu'est-ce que tu en penses toi ? Et moi, je pense que c'est triste, mais c'est une triste réalité que c'est vrai qu'il y a des organisations et des gens qui prennent avantage de ces moments pour remplir leurs poches, eux. Et donc, c'est pas évident d'envoyer à n'importe qui. Faut vraiment prendre les informations et être sûr et de à qui et donner l'aide. Et donc, moi, personnellement, j'ai plusieurs amis et plusieurs, il y a des artistes internationaux qui me demandent quoi faire, qu'est-ce qu'ils peuvent aider et tout. Et moi, personnellement, j'aide, moi, des organisations que moi, je fais confiance parce que je les connais personnellement. Donc, c'est ce que je peux dire sur ce sujet. Alors, si on te demande directement, par exemple, quelles sont ces organisations auxquelles tu fais confiance, par exemple, celles à qui on peut donner, ouais. Notamment, parmi elles, il y a quoi ? Il y a, moi, en ce moment, il y en a quatre que vraiment je fais confiance. Il y en a une qui s'appelle ProDev. Ouais. Je peux donner, c'est ProDev et le site internet c'est gofundme.com/ProDev. Ok. Ouais. On va republier le lien pour ceux qui nous suivent dans l'émission. Ok. Ouais. Je pourrais t'envoyer le lien par texte et toi. Volontiers. Exact. Volontiers. Ok. Il y a aussi Sowseed et que moi je fais confiance et j'ai travaillé avec eux déjà, donc je fais confiance. Il y a Haïti c'est nous et il y a For the Kids of Haiti. Donc j'ai les sites internet maintenant, je peux donner si possible. C'est gofundme.com/prodev, c'est le premier. Le deuxième c'est sowseedonline.org. Le troisième c'est haïtisenou.com et le quatrième c'est forthekidsofhaiti.com. Ok. L'idée, c'est de comprendre véritablement quels sont les besoins. On en parle souvent, on parle de besoins de première nécessité. Il y a différentes collectes qui sont organisées de manière à faire parvenir des denrées alimentaires, par exemple, de première nécessité. La personne qui n'est pas insensible à tout ce qui s'est passé à Haïti, parce que tu sais, pour être tout à fait sincère avec toi, Jonathan, on essaie de te joindre quand même depuis la semaine dernière. Jim Perry, quand même. Le Jim Perry avec qui on a fait on a vogué tant par la Guyane que la Guadeloupe que la Martinique, on l'a même emmené en Martinique à Basse Pointe, Jim Perry, hein. On s'est posé la question de comment ça s'était passé pour toi et surtout qu'en fait on a réalisé un autre truc aussi, c'est que vu le nombre de victimes, si ça nous arrivait dans notre pays à nous, Guadeloupe, Guyane ou Martinique, ça serait simplement effarant et on peut pas rester indifférent sous prétexte que c'est à quelques encablures et que c'est trop loin de nous pour réaliser ce qu'il se passe vraiment. Donc on s'est demandé un petit peu comment ça se passait pour toi, on s'est demandé ce qu'on pouvait faire. Évidemment on se lance dans un élan un petit peu précipité, c'est certain, c'est pas forcément totalement organisé. L'idée c'est d'essayer de faire du bien, d'essayer d'utiliser cet élan de solidarité pour essayer de panser quelques blessures au passage de Mathieu. Quelles denrées alimentaires tu recommandes particulièrement? Quels sont les premiers besoins là à Haïti de ce que tu as pu voir dans le sud de l'île? Les premiers besoins sont surtout l'eau et la nourriture, c'est sûr, parce qu'avant tout il faut que les gens mangent. Et sinon il y a aussi un problème. Et les gens, de plus en plus, ils ont faim, ils deviennent plus agressifs. Justement, par rapport à ça, Jim Perry, on a vu les premiers camions avec les denrées alimentaires arriver. Il y a des gens qui ont trouvé en fait que les Haïtiens étaient sauvages à se jeter comme ça sur la nourriture. Tu t'en penses quoi, toi? Exactement. Donc justement, bon, et moi je pense que c'est la réaction maintenant et les gens qui ont faim ils volent, ils vont piller, ils vont faire tout et pour se nourrir et nourrir leurs enfants et tout. Donc c'est la situation vraiment c'est bien dommage, mais les premières nécessités sont l'eau, la nourriture et je peux dire brosse à dents, tout ce qui est papier, serviette et papier hygiénique, serviette, brosse à dents, savon, Et waouh, les premiers besoins. Tu vas aller tu vas essayer d'aller dans le secteur dans les prochains jours, toi? Oui, je vais retourner et j'ai été au CAI hier et à Côte de Fer et à Torbec et je vais retourner encore. Je vais aller à Port-Salut, Dame-Marie, Camperin. Il y a plusieurs endroits qui ont été touchés. Donc, il y a plusieurs groupes que je travaille avec eux. Donc, j'essaie de faire mon possible à moi et d'aller personnellement et distribuer et voir aussi. Parce que c'est une chose de juste donner et c'est une autre d'aller voir. De se rendre compte, en fait. De se rendre compte et justement de se rendre compte de quelle réalité que ces gens-là vivent. Il y a des amis dont tu n'as pas de nouvelles ou des personnes qui ont été plus ou moins touchées dans tes contacts? Non, pas vraiment. C'est compliqué, hein. Je sais pas si vous imaginez comme ça, je sais pas, vous êtes derrière la radio, vous êtes Guadeloupéen, vous êtes Guyanais, vous êtes Martiniquais, 900 personnes et encore. Et encore, je veux dire, c'est un truc qui peut changer du jour au lendemain, qui peut augmenter, malheureusement. 900 personnes payent le passage d'un ouragan. Alors, il y a certaines personnes qui disent, oui, on a l'impression que dès qu'il y a un petit truc qui traîne, c'est pour Haïti. Est-ce que tu as l'impression que le sort s'acharne sur Haïti, toi-même qui es haïtien, natif, natal, qui aime ton île, qui y vit d'ailleurs, contrairement à beaucoup d'autres qui ont bougé de leur pays. Est-ce que tu trouves que le sort s'acharne sur Haïti? Est-ce que je trouve quoi? Que le sort s'acharne, ouais, sur Haïti. Que genre, dès qu'il y a un petit truc qui traîne d'un peu négatif, c'est toujours pour Haïti. Un cyclone, un tremblement de terre, que Haïti paye plus cher que les autres. Oui, bon, on a toujours cette impression, malheureusement. Et surtout qu'un pays, un pays comme parmi les plus pauvres, on se dit toujours, et on ne peut pas. On ne peut pas subir ces catastrophes naturelles et à tous les coups. Donc, mais faut dire que ça arrive et il faut à chaque fois. Moi, je pense que c'est pas maintenant c'est l'aide urgente. Il faut aider parce que c'est l'urgence. Il faut aider, donner à manger et tout. Mais moi, je pense qu'il faut surtout établir une certaine structure. Dis-moi, j'y permets. Ça arrive encore. Allô. Oui, en plus de ça, en ce moment-là, il commence à avoir certains cas de choléra sur place. Et choléra. Et c'est pas seulement voir le nombre de morts et pendant le cyclone, c'est ce qui va arriver après. Oui, les conséquences dans après. Les prochains jours, ouais. Dans les prochains jours, les prochains mois. Il y aura encore des morts, ouais. Alors, je sais qu'il y a des gens qui se mobilisent, des artisans, etc., qui ont demandé, en fait, à pouvoir partir en Haïti. Et on leur a répondu qu'en gros, ce n'était pas assez sécuritaire pour qu'ils aillent là-bas et essayer de mettre en place des infrastructures. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, et moi, je ne vois pas pourquoi ne pas aller. Et parce que c'est ce qu'il faut faire, il faut aller. Est-ce que la question en fait c'est est-ce que toute l'aide est la bienvenue en fait? Qui qu'on soit, est-ce que on fait nos bagages, on vient si on peut le faire, si on a envie de le faire, est-ce que c'est ça en fait? Oh oui, toute l'aide est la bienvenue. Oh oui, on a besoin de toute l'aide nécessaire, vraiment. À partir d'aujourd'hui d'ailleurs et tout au long de la semaine, on aura régulièrement toi en tant que premier d'ailleurs qui ouvre le bal des artistes, mais on aura également Wyclef Jean dans la semaine et bien d'autres qui auront l'occasion d'appeler au don d'une certaine manière et de vous recommander comment donner parce qu'effectivement il y a eu beaucoup de déceptions depuis le tremblement de terre par l'argent perçu par certaines ONG et détourné par d'autres, certains politiques machin etc, peu importe, on va pas rentrer dans les détails. Là, l'urgence est réelle, elle est palpable. Nous, on fait confiance à un certain nombre de personnes, dont J. Perry, dont Wyclef aussi, qui aura l'occasion de s'exprimer dans la semaine, dans Génération 9-7. L'idée, c'est de saisir cet élan de solidarité. C'est sûr que, bon, la Martinique a essuyé un passage de tempête assez sérieuse. Ok, c'est clair. Mais les dégâts les dégâts sont très loin, très très loin d'égaler ce qui s'est passé à Haïti. C'est vrai que la Guadeloupe a été sensible au passage de Matthew, mais clairement, Haïti a payé le prix le plus cher. Donc concrètement, donnez ce que vous pouvez. Le but du jeu, c'est effectivement de faire fonctionner cet élan de solidarité, cette émulation autour du fait d'un peuple qui en a besoin, d'un sud, du sud de l'île qui est totalement ravagé. Des artistes se mobilisent. On vous redonne les liens, les différentes adresses également sur lesquelles vous pouvez donner sur le web, recommandé par J. Perry. Il y en aura d'autres qui arriveront tout au long de la semaine. L'idée, c'est que si par exemple, vous pouvez donner les produits de première nécessité, de la nourriture, des pâtes, des trucs qui s'abîment pas aussi. Pensez à ça. Ouais. Oui aussi. Et des trucs comme des habits, des chaussures et des draps pour le lit, surtout pour les bébés aussi. Pour les enfants et les bébés, ouais. Des produits sanitaires. Ouais. Oui, exactement, des bouteilles, justement pour les bébés, pour les femmes, et donc surtout les produits de base. Ok. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est sûr, ça ne vous est pas arrivé, mais c'est arrivé pas loin de chez vous. Et à un moment ou à un autre, en fait, forcément, le fait que ça ne nous soit pas arrivé nous rend en meilleure position pour pouvoir aider à ceux à qui ça arrive là en ce moment même. C'est Haïti qui a besoin de vous, hashtag G97, hashtag TraceFM. Si vous avez besoin de récupérer les liens également, n'hésitez pas, vous suivez J-Perry, notamment sur ses réseaux sociaux. On aura Wyclef également dans la semaine et d'autres artistes qui se mobilisent, y compris Admiralty avec lequel tu fais un featuring sur le dernier titre à Blablabla, qui notamment fait partie de ces artistes qui au-delà, alors lui il aime Haïti, c'est certain, il adore Haïti. Oui. Je sais que tu m'avais lancé l'invitation aussi pour visiter le pays. C'est sûr que c'est peut-être pas forcément le bon moment pour faire du tourisme, mais c'est le meilleur moment pour faire du bien, peut-être, à des populations qui en ont besoin si vous en avez les moyens. Mais c'est ça, et Yannick, c'est quand tu veux vraiment, c'est chez toi, tu sais ça déjà. Yes. Et je veux remercier aussi justement tous les artistes qui s'engagent déjà comme Admiral. Et Jessica, et je salue Valérie aussi. Tous les artistes qui prennent l'initiative de s'engager pour vraiment aider, parce que on a vraiment besoin de ça. Et c'est le moment, ça veut dire qu'il faut pas attendre, c'est maintenant. Donc c'est ça, je remercie tous ceux qui aident déjà et tous ceux qui veulent et vont aider. En ne faisant rien, on risque d'augmenter le nombre de victimes. C'est la triste réalité de ce que subit aujourd'hui Haïti. Merci de donner. Je peux comprendre également que vous cherchiez à donner le mieux possible pour que ça arrive véritablement aux Haïtiens. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des gens à qui on peut faire confiance, J. Perry, Wyclef, et d'autres liens qu'on vous publiera tout au long de la semaine, parce qu'on sait qu'il y a une énorme polémique qui monte autour du fait de donner. Est-ce qu'on s'assure bien que ça arrive aux Haïtiens ? Toutes les filières dont on va vous parler sont garanties. Le but du jeu étant effectivement que votre solidarité profite à ceux qui en ont vraiment besoin. Merci d'avoir été avec nous, J. Perry. Et j'espère très vite dans d'autres conditions, mec. Dès que je peux, dès que possible. Et à très très bientôt, mec. On t'attend et merci encore. Et merci, donc à bientôt. Bon courage. On revient dans un petit instant. Ouais. On revient dans un petit instant. Il y a les dernières rubriques de la soirée de Génération 97. A tout de suite. Drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop mette lan kou ka bet Mem son pople sou yo FM et nulle part ailleurs. 0820 203 200. Appel. On a du sexe confessionnal qui débarque dans un petit instant. Ouais. Mais j'ai cru comprendre en fait que visiblement là, il y a un truc de dingue qui est en train de se passer. Ça, on est au Lamantin, en Guadeloupe. En ce moment même aurait lieu une fusillade. Du côté du Lamantin, ce que je reçois, ce sont des audios. J'aime autant vous dire qu'il faut prendre avec parcimonie les informations qui me sont balancées. Fusillade qui aurait fait 4 morts et 2 blessés apparemment. C'est une histoire de règlement de compte. Info à vérifier. C'est ça l'histoire ? Oui. Alors je comprends pas pourquoi il y a des histoires également Guadeloupe et Guyane qui s'enchaînent. Faut pas tout mélanger dans ce cas-là. Ouais, parce qu'en fait, il y a on des va gens... On essayer de se repérer par rapport à l'accent, parce que... Alors, visiblement, ça se passe en Guadeloupe. Alors, voici les audios que je reçois. Attention, c'est sans filtre. Qu'est-ce que ça dit ? Ah bah, voler, mais voler, putain, mon an. Mais avant, il y a ramené tes max là, ni on n'y prend le corail devant un pis là, le Rissis. Ça va être là, il y a qui prend le corail devant un pis là, le Rissis, c'est avant, yes. Cette histoire me dit quelque chose. Si c'est l'histoire du T-Max, c'est une histoire qui est plus ancienne que ça. Ça planait déjà la semaine dernière, ça. Ouais, ça planait déjà la semaine dernière. Il y avait des menaces qui étaient parties. Qu'est-ce qu'il y a là, comme ça, là, maintenant ? Ah ouais, t'entends quand même, tu non. entends ? Non, si. C'est si, tu entends. C'est des coups de feu qu'il y a derrière là ? Ouais, apparemment, tu entends des coups de feu, ouais. Qu'est-ce qu'il y a là comme ça au Lamantin ? Mais non, c'est pas possible. Mais attends, tu crois qu'on est dans Rookie ou quoi ? Non, c'est ce que je reçois, veux dire. C'est ce que je reçois, les gars. Je le reçois sans filtre. Non. Grosse fusillade au Lamantin. Il y a 4 morts et 2 blessés. C'est pas. Ça, c'est les informations qui circulent. Je regarde si j'en ai plus, là, parce que tu sais, souvent, les gens te renvoient les mêmes audios. Et dans l'audio, on entend les coups de fusil et tout. Putain. Ça se passe actuellement dans le bon du Lamantin. Allons. Grosse fusillade au Lamantin. Ouais. Il y a 4 morts et 2 blessés. Celui-là, c'est celui que j'ai déjà reçu. Qu'est-ce qu'il y a là, comme ça, au Lamantin ? Ouais. Donc, c'est bien. Donc, visiblement... Ça là, c'était du mitraillage que tu entends. Yannick, en fait, c'est pas la montagne Guadeloupe. Hein. Vu le ton, en fait, c'est Martinique. Le français, il est. Ah, ok. Alors visiblement. Alors, ça serait Lamantin Martinique. Le Lamantin Martinique, quoi. Donc, ok. La pierre du T-Max, c'était en Guadeloupe. Bah alors, du coup, tout s'entremêle. C'est le problème aussi des réseaux sociaux, parce que mine de rien. En même temps, il y a des T-Max partout. Ouais. Mais... Maintenant, pour tout et n'importe quoi, tu vas prendre une arme et tu risques. Bon, alors après, au-delà de ça, on n'a pas forcément totalement vérifié l'info. On reçoit vraiment au fur et à mesure les audios. Alors, est-ce que c'est Guadeloupe, est-ce que c'est Martinique, où vous êtes 0820 203 200. Si vous êtes concerné, d'ailleurs, bah, il suffit simplement de nous dire où est-ce que ça se passe. Hashtag G97, hashtag TraceFM. Si c'est l'histoire du T-Max, effectivement, c'est Guadeloupe. Si c'est pas le T-Max, si c'est un autre T-Max. Waouh, mais bon, de toute façon, peu importe où ça se passe. Qu'est-ce qui te fait rire, Kishi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Rapproche-toi. T'as une info qu'on n'a pas ? Non, bon, déjà en Martinique, c'est pas en Martinique. En Martinique, c'est cet après-midi au bord du Lamantin, il y a des gars en scooter qui ont tiré des coups de fusil en l'air. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de blessés. En Guadeloupe, il y a eu des fusillades. Je n'ai pas d'infos pour l'instant au niveau des morts ou des blessés. Je ne sais pas si c'est en rapport avec le T-Max, parce qu'il y a une histoire qui dit que les T-Max ont été rendus parce que le gars a coupé une dizaine de têtes de cabri. Oui, c'est vrai, il y avait l'histoire de... Et puis voilà. Roselle Maco, on va t'appeler. Ça te va bien, Roselle Maco. Non, mais alors, par contre, les audios datent de combien de temps ? Parce que là, on les reçoit au fur et à mesure, là, les audios. C'est donc, début de soirée. Une heure. Ouais, donc en fait, les audios circulent, en fait, là, depuis une heure. Mais on ne sait pas ce qui se passe là, maintenant, tout de suite. Voilà. De toute façon, après, c'est des audios sur WhatsApp. Hein. C'est le téléphone entier. Ouais. Tu veux dire quoi ? C'est comme le téléphone arabe, mais en mode entier, quoi. Encore pire. Genre, ça modifie, attends. J'ai d'autres audios qui... mais moi, du coup, comme je peux pas écouter les audios, attends, j'écoute d'abord celui-là, voir si je peux le diffuser. On sait jamais, tu sais. Des fois, il y a des pensions alimentaires qui me sont demandées. Non, laisse tomber ça, celui-là, je peux pas. Ah, c'est un mec qui te demande des pensions alimentaires, quand même. T'es con, hein. Ça peut arriver. Vraiment con. Donc, J'élève ton fils depuis 3 ans, quand même. Le beau-père qui t'appelle, tu sais. Écoute. À un moment donné, d'accord, je suis ok pour te couvrir, mais bon. Il serait temps que tu grandisses, paye la potion alimentaire. Visiblement, bon, ben, ça chauffe. Ça chauffait en tout cas, il y a 45 minutes, 1 heure, du côté du Lamantin. Selon nos sources, ça arrive du côté de la Guadeloupe. Après, il y a des sources contraires, effectivement, qui cumulent plusieurs histoires. Visiblement, c'est surtout demain soir qu'on pourra véritablement faire un point là-dessus. Ah, nouvelle info. Non, c'est surtout les gens mélange l'histoire de Guyane avec les vidéos et l'histoire de Guadeloupe. Ah ouais. Parce que c'est plus sensationnel. En fait, ils refont Gomorrah avec les avec les différentes images. D'accord, ok. Putain, s'il y a 4 morts là-bas contre ce soir. Ah, j'ai un audio. Attendez, je cherche. Vas-y, fais péter l'audio. T'es sûr? T'es sûr ou pas? T'es sûr de ton audio ou pas? Vas-y. C'est un coup de physique, personne n'est mort, mais je ne comprends pas. Ils ont dit il y a 4 morts, 2 blessés. Peut-être c'est 4 oiseaux qui étaient derrière l'autre balade, c'est spécial. Alors ça. Des doigts, et puis le reste pris en patte. C'est un audio qui vient d'où? Il y a dit 4 morts, il n'y a pas dit 4 personnes mortes. Voilà. Alors visiblement. C'est tout le monde qui m'a compris bien là. Alors non, c'est pas les gens qui comprennent mal, c'est que visiblement, c'est 2 communes en fait de Guadeloupe et de Martinique. Lamantin, cet après-midi. Il y a eu des coups de fusil en l'air. Martinique. Donc s'il y a des morts, ce sont des oiseaux. Ouais. Mais en Guadeloupe, ça a l'air d'être beaucoup plus sérieux avec des rafales. Je sais pas ce que c'est comme arme, mais en tout cas c'est une des armes automatiques ou semi-automatiques. Et visiblement, il y aurait des morts. On a Audrey qui est avec nous, qui habite au Lamantin en Guadeloupe. Elle n'a absolument rien entendu. Hashtag G97, hashtag TraceFM 0820 203 200. Le temps que quelques peut-être... forcément, vous êtes les mieux placés. Hein. S'il ne se passe rien dans votre commune, autant le dire. Autant remonter l'information. S'il se passe quelque chose, tant qu'à faire, restez prudemment chez vous. Hein, pas de zizot fait, pont reporter. Ouais, on vous a pas envoyé faire des enquêtes. Hein. Voilà, l'idée c'est de juste remonter l'information. Hashtag G97, hashtag TraceFM 0820 203 200. En attendant, on va parler un peu sexe confessionnal. Couchez-moi les chin-chan. Au lit. On aurait dû les coucher avant la fusillade en fait. Les mini-justiciers au lit. Pioui Plus va dormir. Alors, Trace Adulte en lit. Donc ce soir, on va s'intéresser aux expériences sexuelles un peu plus uniques. Enfin, après, s'il y a parmi vous quelques uniques professionnels. Je trouve que c'est multiple plus qu'unique, hein, en fait, ton truc. Hein. On parle du plan A3 ce soir. Tu nous as envoyé un sondage, Sabri. C'était quoi l'idée? Ben, l'idée, c'était de savoir un peu les habitudes des traceurs, pour savoir si c'était le genre de choses qu'ils pratiquaient. Et visiblement, déjà essayé, c'est pas vraiment la catégorie la plus votée. La plus votée, c'est « je ne le ferai jamais » à 54%. Des menteurs, que des menteurs. Des hypocrites. Encore un fantasme, 29%, et déjà essayé, seulement 17%. Ok. À 3, c'est pas le truc classique. Je sais pas pourquoi ça te choque, Nessie. Ça me choque pas. C'est le je ne le ferai jamais. Comme quand tu leur dis que ce sont des menteurs, quand ils te disent qu'ils ne le feront jamais. Peut-être qu'ils ont envie de le faire et que, je sais pas, ils disent ça, mais ils ont tous eu envie de le faire, je pense. Mmh. Au moins, essayer. Mmh. Une personne sur deux n'est pas intéressée par ce truc-là, c'est tout. Mais non, il y a des gens qui ne veulent pas se l'avouer. Un couple, c'est combien de personnes? 2 personnes. Ok. Donc si il y a une personne sur les deux dans le couple qui ne veut pas le faire, ils le font pas. C'est pour ça qu'il y a que 17 personnes qui ont déjà essayé. Ils du coup. Ils ont la frustration. Donc ils sont frustrés. Tous les deux veulent le faire, mais il y en a un qui ment, c'est ça. Mais imagine. C'est ça ton truc. Imagine-toi, Sabri, tu es avec ta compagne, tu vois le sondage, tu veux le faire, et puis tu te dis bon, si je clique, j'aimerais bien toujours un fantasme. Moselle pourrait mal le prendre. Mais tu cliques pas si t'as envie de mentir, tu cliques pas. Moselle. Comment tu... Bah arrêtez-vous de vous moquer de son créole, c'est quoi votre truc? J'aime beaucoup. C'est inattendu. Tu aimes beaucoup et tu rigoles. Non mais attends, si tu as envie de mentir pour un sondage, tu réponds pas au sondage, tu es pas obligé. Je ne vois pas pourquoi est-ce que les gens iraient mentir sur un sondage. Ils ont dit qu'ils vont jamais le faire. Pourquoi ? En fait, vous êtes des gros cochons et vous êtes persuadés que toute la population est aussi cochonne que vous, c'est ça ? Ok, Sabri. Tu te classes dans quel... Je ne le ferai jamais. Pourquoi ? Parce que je n'en ai pas l'occasion. Voilà. Mais voilà. Alors, moi, j'ai répondu à l'autre catégorie. J'ai répondu à « je l'ai déjà fait ». Moi aussi. Et on était les moins nombreux. Oui, 17%. On était 18% seulement 17. De la population. Bah, ça a baissé entre temps. Sérieux ? Ouais. 17. Il y a ton ex qui a dit que non, c'est pas vrai. C'est quand même particulier, quoi. Après, ça dépend. Je pense que, à force de chercher à essayer de le provoquer, c'est soit tu demandes franchement. À Doudou, écoute, voilà, j'aimerais bien tester un truc nouveau, j'aimerais bien qu'on fasse venir quelqu'un. Oui, mais même là, il y a encore une négociation. Est-ce que c'est un mec ou une fille qui vient ? Ou alors, c'est que ça se présente à toi, comme ça. On a Lunastra qui dit, moi, je l'ai déjà dit, je suis trop possessif pour tester ce genre de truc. Ah ouais, high kick, l'autre qui s'incruste, je la défonce. Et Lunastra, si c'est pas ton mec, si c'est toi la troisième personne, comment tu te places par rapport à ça? C'est vrai que ça peut changer un peu la donne. Moi, je l'ai fait plusieurs fois, pour être honnête. Ça nous étonne pas du tout. Tu multiplies ou pas? Non. Alors, en fait, je l'ai fait plusieurs fois. J'ai fait en config deux nanas, un mec. J'étais le mec. Alors, il y a eu... C'est bien, Yannick. Merci de la précision. Il y a eu la suite. Il y a eu la config, donc mon anniversaire. Il y a eu la config, ma meuf. Qui avait envie de me faire plaisir. Donc j'ai eu plusieurs anniversaires dans ma vie. Et puis il y a eu la config très bizarre de trois mecs, une nana. Donc ça c'est quatre, ok. C'est un gangbang ça. Non, c'est pas loin encore. Mais en fait c'est quand même l'expérience. En fait si tu veux, techniquement il y en avait un qui était capoute. Il y en avait un qui était KO. Hein. Pourquoi ? Ça l'a impressionné. Un coup de boule mal placé, c'est pas... Et donc du coup, en fait, c'était quand même un plan à trois. Mais le problème, c'est qu'en fait, ce que je vous ai pas précisé, c'est que la nana en question, c'était la nana d'un des types. Ah non. C'était le mec qui était en dehors. Non, c'était le mec qui était en dedans, par contre. Ah. En dedans, façon de parler. En dehors. Ça dépend à quel moment. Disons qu'il allait et venait dans l'histoire. Voilà. Ils sont restés ensemble longtemps après. Ouais, quand même. Donc ça n'a pas changé sa vision de sa compagne, en fait. Non, pas forcément. Je pense que c'était pour... Mais tu vois, il y a tellement de configurations différentes. Toi, tu as le délire. Tu sais, genre le démon de midi, machin, etc. C'est un truc one shot, il y a une occasion qui se présente. Je dis une bêtise, ok ? Disons que ton copain, c'est Yoshi, ok ? C'est toujours moi dans les plans foireux, de toute façon. Merci Yoshi. Mais écoute, il parle franchement. Et toi, ton copain, c'est Yoshi. Ok ? Ton copain, c'est Yoshi, les loups. Ok ? Je suis invité à dormir chez toi, machin, etc. Ah bon, la config fait qu'il n'y a qu'un seul lit. Mais on peut pas prendre une autre troisième personne, histoire que ce soit plus imaginable. Ah, mais vas-y, c'est bon. Mais tu veux que je te dise, c'est déjà pas imaginable que Yoshi sorte avec toi, mais ça l'est encore moins ce que moi aussi. Tu vois, je veux dire à Yoshi, écoute, c'est ta maison, tu sais où sont les interrupteurs, éteins la lumière, mec. Si tu le veux le prendre comme ça, ok ? On le prend comme ça. Bref. Il y a l'opportunité, ça se présente, il y a un jeu qui se passe, machin, etc. Ça dérape, ok. Après, quand c'est le goût prononcé de ta nana, admettons que ta nana soit bisexuelle. Parce que là, on a pris la config qui choque le plus les mecs, en fait. La config, c'est genre tu imagines pas du tout ta meuf avec un de tes autres potes, genre tu imagines pas du tout ton pote avec sa meuf et toi. Ou alors tu l'imagines, mais tu l'imagines en silence. Par contre, c'est vrai qu'on est beaucoup plus libéré sur le plan à trois, deux nanas, un mec. C'est exact. Tu as fait les deux ? Non, moi j'ai fait deux nanas, un mec. La menteuse ! Non, c'est vrai. Regarde bien son regard de vicieuse. Non, mais ça s'est jamais présenté. Non. Là, on sent le désir. C'est le désir que tu vois sur sa bouche. Non, mais tout simplement, déjà. Alors, elle se mord les lèvres. Alors, pourquoi tu le fais pas ? Ça s'est pas présenté ? Ça s'est pas présenté, puis c'est pas... Tadam ! Ouais, bonsoir ! Présentation ! T'es dans la merde ! T'es dans la merde ! Non, enfin, il y en a un qui sera dedans. Il y en a qui comprennent après la blague. Ah, ça l'a bien compris. Non, mais déjà, la configuration où j'étais avec une autre femme et son compagnon s'est présentée d'elle-même, puisqu'en fait, c'était une jeune femme que j'avais déjà entrevue une paire de fois. Et puis, elle est venue à moi à une soirée. Et elle m'en a parlé franchement, quoi. Et je lui ai dit, ouais, pourquoi pas. Genre, tu sais, moi, j'adore la légende. J'adore la légende, c'est genre, moi, Lilou, la femme qu'on recrute dans les soirées. Non. Moi, Lilou, la femme à qui on demande, est-ce que tu veux faire un plan à trois avec mon mec? Non. Moi, mais Lilou, à la base, si la femme qui n'a jamais eu l'opportunité de se faire baiser par deux mecs en même temps. Moi, Lilou, cette femme qui traverse les âges, les expériences, sans jamais, jamais, jamais, jamais payer d'autre chose que de ma transpiration. Moi, Lilou. Maë, t'as déjà fait un plan à plusieurs ou pas? Oui. Putain, je te kiffe. C'était pas dans cette configuration. C'était quoi ta config? C'était deux couples. Deux couples. C'est-à-dire, alors. On a fait deux vous couples. Étiez à cinq, quoi. Non, on était à quatre. Ah, d'accord. Ah, ok. T'es allé avec ton plan à trois, quoi. Donc, t'as fait un plan à trois à quatre? Non. Non, j'ai fait un plan à quatre. Voilà. On a une formation de l'équipe. C'était de deux hommes, deux femmes. D'accord, ok. Mais alors, c'était vraiment des couples ou c'était juste deux hommes, deux femmes? Non, c'était au début. Attends, comment t'expliques ça? On a tout notre temps. Vous étiez quatre. On est vous pas étiez quatre ou vous y êtes allé en couple? Nathan, alors, bouge pas, elle va faire son schéma. Voilà, on a été en couple. Et si tu... Donc, toi t'étais avec ton mec. Voilà. Et j'ai une amie qui était avec son gars. Okay. Ok. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait concrètement? Vous avez chassé croisé En fait, déjà, il y a eu beaucoup d'alcool. Et c'est pas eux, bien. Vous voyez les bêtises que ça vous fait faire. Hein? Et on a suivi. Donc, il a commencé à faire ses affaires. Ils ont commencé et donc du coup vous avez imité. Voilà. Donc en fait vous n'avez pas forcément pour l'instant couché l'un avec les autres. Voilà, vous êtes regardé. Exactement. Ok. Est-ce qu'à un moment ou à un autre ça a switché? Est-ce que les deux dames entre elles se sont intéressées? La meuf qui est partagée entre le fait de dire bon bah écoute. Non, ça aurait pu se faire. C'est allé jusqu'où du coup? Eh ben, ça allait jusqu'à la fin où moi je suis avec mon gars et elle est avec son gars. Ouais, donc vous vous êtes pas mélangé. Non, c'est pas. Ok. Il y a eu des caresses, des regards. Vous avez juste partagé une chambre. Oui, en fait, on se voyait. Alors, on va se tourner vers Hugo, les gars, parce que c'est très intéressant. Ils se rendent même, ils se rendent même pas compte en fait de notre présence. Regardez. Tu l'as jamais fait? Non, franchement, non. Non, ce serait une expérience à tenter. Bonjour, je m'appelle Hugo. Oh, 06 94. Tu donnes ton numéro ou pas? Non, ça va. Non, je vais le faire pour lui. Attends. Alors. Non. De commencer à non, mais arrête de dire non, arrête de protester. On donne ton numéro de téléphone, mec. Ou si vous trouvez son numéro avant moi, vous le balancez en tête. Alors attends, je crois que c'est 02. Attends, bouge pas, je vais Putain, te trouver. Putain, il ça. Est où? Ah, comment je l'ai appelé? Ah, Tigogo, attends. Tigogo. Affiché numéro 02-25-24, je confirme. 02-25-24. Voilà. Voilà, il attend toutes vos si vous êtes deux hommes. La dernière fois que vous avez fait ça, il y a des gens bizarres qui m'ont appelé. Si vous êtes deux hommes et que vous cherchez un troisième. N'oubliez pas, messieurs. Non, mais blague à part. Non. Et les gars, mélangez pas. À un moment ou à un autre, on a un pote qui n'a jamais vécu ça. Les gars. Solidarité. Voilà. S'il vous plaît. Solidarité. Mais Hugo, en fait, t'aimerais quoi comme config? Idéalement, vraiment. Ah, deux meufs, un gars. Deux meufs, un gars. Ah bon? Et du coup, tu fais quoi, la meuf ou le gars? Non. Arrêtez. Alors, réponds. Non, deux meufs et moi, je suis le gars. Ok. D'accord. Dans la config, tu imagines la meuf avec qui tu sors? Ou deux nanas qui, genre, ont décidé de te faire plaisir, là, comme ça. Peu importe. Peu importe. Scénario science-fiction. Tu es pas possessif, toi? T'es un peu jaloux, quand même, comme garçon, non? Ouais. Donc, ça serait pas ta meuf. Qui sont pas ma meuf. Ok, donc... Moi, par exemple, je sais, j'aurais jamais pu faire ça avec mon gars. Pourquoi? Je sais pas, enfin... Peut-être un petit peu de possessivité aussi, mais... Ça m'aurait pas. Ça aurait pas été aussi. Moi j'adore les femmes qui sont capables d'abnégation. Oh. Qui sont capables de sacrifice en train de se dire mais oui, mais ça va lui plaire. Dans le studio, ça serait quoi comme config, Hugo? Ça serait Nessie. Dans le studio? Nessie, Maë. Non, je suis trop grosse. Lilou. Il aime les filles toutes minces, toutes. Ouais. Il n'aime pas. T'es surtout trop âgé pour lui, non? Non, mais il m'a dit. Ouais, quand même, non. Il aime les filles. Oh là là. Alors, quel config? Mais il n'y a pas tellement de choix dans le studio. Ah, C'est dégueulasse ce que tu viens de dire. Non, non, mais c'est la vérité. Mais. Non, non, mais blague à part. Vraiment, si tu voulais varier. Admettons qu'il y a un service. Vas-y, lâche-toi. Arrête de mentir. Et tu sais quoi, mec? Franchement, honnêtement, il y a des choses que j'ai vécues dans ma vie. Ok? J'ai envie que t'en profites aussi. Ok? Parce que moi, des aujourd'hui. Trucs que tu as vécu? Ouais. Tu veux qu'il en profite? C'est-à-dire? C'est quoi ce partage d'expérience? Ben, c'est-à-dire tu que. Tu m'as jamais rien fait profiter, mais lui, il vient d'arriver. Proposé, je t'ai pas. Tu fais ta jalouse. Non, mais c'est, je sais pas, je me dis qu'à un moment ou à un autre, ça doit être cool qu'il doit vivre ça. Excuse-moi, Sabri, je suis désolé, mais moi, au moins, avec lui, je sais que. Elles se sentiront pas mal à l'aise dans le sens où il est vraiment pervers ton copain. Je pense que c'est le genre de phrase que j'aurais pas. C'est vrai. Ouais, t'es quand même la seule personne qui, avant de la rencontrer, on m'a prévenu, bon, il y aura un gars un peu pervers, mais t'es quand même la seule personne que j'ai rencontrée qui était bien contente de rencontrer un pervers. Non, je suis entrée dans la voiture. Hein, ouais, madame, j'aime bonjour, les pervers. Je t'ai dit, ah bon, c'est toi le pervers. Ouais, mais t'étais bien contente. C'est vrai, et depuis vous êtes super potes, hein. Je dis ça, je dis rien. Bon bref, alors la config idéale pour toi. Avec des gens du studio. Non, pas forcément. Ah, mais tu m'as dit avec des gens du studio. Non, parce que s'il n'y a pas le choix déjà sur les filles, ça veut dire que tu vas te rabattre sur quelque chose. Et je suis pas sûr qu'on puisse répondre à tes attentes. Non, non. Je t'ai déjà dit, deux meufs, un gars. Non, mais il faut ça, ma config. Mais attends. Mais tu veux quoi? Tu veux des déjà, noms? Déjà, tu enlèves Nessie, on va où? Il reste plus beaucoup de filles derrière ça. Mais si, il y en a deux autres. Mais oui, c'est à trois, il a dit. Hein. Alors, Maë et Lilou, ça le ferait. Ouais, à la limite. Mais t'es timide, hein, mec. Non, mais si tu veux, par défaut, puisqu'il y a... Par défaut, le gars enlève le Nessie, mais il cite pas les deux autres. C'est tellement une fleur s'il a couché avec toi que tu dis par c'est défaut. C'est bon, Nessie, te fâche pas parce que t'as pas choisi. Oh. J'adore ce genre d'exercice où, tu sais, la meuf, elle dit... Putain, ne me choisis pas. Quoi? Tu m'as pas choisi? Non, pas du tout. Je suis pas du tout vexé, mais il fait comme si... Ouais, c'est un petit con, c'est comme... tout. Il fait le difficile en regardant les deux autres meufs comme si... voilà, quoi, comme si c'était possible. Non, j'ai pas dit que c'était de la merde. Non, mais... ce qu'elle veut dire, c'est que déjà, c'est pas envisageable que tu arrives à faire un plan à trois dans ta vie, donc autant te contenter de ce que t'as. C'est ce que tu dis, Nessie. Le vrai profil du gars à qui ça arrive, un plan à trois dans la vie. Il a réussi à vexer les trois. Non, alors sur ce coup-là, t'es vraiment mauvais, mec. T'es vraiment mauvais. Mais c'est pas grave, c'est pas perdu. Alors. C'est vous qui dites ça. Non, mais en fait, idéalement, t'aimerais avoir satisfaire les deux ou t'aimerais coucher avec une d'entre elles et avoir le regard de l'autre posé sur toi. Ah oui, sans ambition, trop démesuré, machin, etc. Juste la vérité. Non, partager un truc à trois où tout le monde participe. Alors, ça ressemblerait à quoi, mec? Mais je comprends pas parce ta question. Parce que t'as qu'une seule queue. C'est-à-dire que tu préférerais t'en occuper d'une pendant que elle même s'occupe de l'autre ou bien que les deux s'occupent de toi? Moi, je vais vous dire un truc. Hein. J'aurai un vagin ce soir et deux tétés. Franchement, honnêtement, je lui donnerai une leçon, sincèrement. T'es sérieux? T'as envie de coucher avec Hugo? Non, j'ai... voilà. T'as dit si j'avais un vagin et deux tétés, je lui donnerais une leçon. Non, mais ce que je veux t'expliquer par là, c'est que la config actuelle ne me permet pas de le faire, mais je me dis qu'à un moment ou un autre, le mec, il est arrogant. C'est-à-dire... sexe confession. C'est sexe révélation là. Non, tu comprends pas. Lilou, si tu veux, tu peux continuer à ne pas comprendre, mais je pense que tu es une fille Lilou, plus intelligente que ça. Lilou, est-ce que tu peux te taire? J'ai envie d'entendre ce que Yannick veut dire après cette phrase d'introduction. Donc, si j'avais un vagin. Ce que. Je t'écoute. Ce que je veux expliquer par là, c'est qu'à un moment ou à un autre, moi, si j'étais une nana, je pense que ça m'exciterait assez un garçon. Un peu maladroit avec la notion de plan à trois. Un peu, je maîtrise pas parce que je pense que je pourrais lui donner une leçon. Tu vois, on a une copine en commun, là, Nina. Tu vois qui c'est? Nina, elle est en face de ce mec-là. Elle le regarde, elle se dit, peut-être qu'elle a peut-être pas envie outre mesure, mais ça devient un trophée, en fait, Hugo, parce que il y a quelque chose de... L'innocence. Voilà, la naïveté. Ok, donc tu comprends ce que je veux dire. Ok? Quand t'arrêtes de faire la conne. Et Pas chier. Bref. Et je me dis que quelque part, tu vois, il est là, il connaît pas, peut-être qu'il a juste besoin d'être initié, quoi. Oui, puis ça rend la chose éducation. Un peu plus sensuelle et un peu moins bestiale aussi. Peut-être que ça te donne, toi, ou qui que ce soit d'autre, en fait, un rôle un peu plus initiatrice, qui visiblement énerve beaucoup Nessie. Je suis pas énervée. Je comprends pas. Est-ce que tu sens le contraire de ce qui se dit dans sa phrase? Non, mais j'étais... Juste, je vous emmerde. Maë, tu coucherais dans un plan A3 avec Hugo ou pas? Non. Non, pas par rapport à ses caractéristiques physiques. Hein. Ça devient technique, du coup. Pourquoi?

trace that I'm dead. Premier soleil. Move your body to the beat. Saga. Shocking vibes. Tony Kelly. Yeah. Yo. Is it ironic? This girl I want like a bionic. Me mat it, me cock it, I sink it like a Titanic. Don't panic. Bad man guy and me a chop it. Baby, you know I say I have it. Hey. One man alone a push a hump in a yo. No back a man a jump in a yo. Kinda college is no final up in a yo. No man never broke out no stump in a yo. All jump toward and all him a bill for yo. Insurgents them all a kill for yo. Man all a take price a bill for yo. Congress a pass all bill for yo. Hey. Y'all tell me your fantasies. Make me rub down your house and round this. If you're good by your neck me left two ickies. Wrong bang for your friend but for you tickies. Make me enroll you in a me college. Graduate to professor, girl, give me knowledge. Long a nickel from the beach, now a small cottage. Make me use my bulldozer and block your passage. I just you and the eye, me no need baggage. Man, I text you up on phone, I leave clip message. Them no one piece of you, them want the whole package. She just blow them away like a Jeff Bridges. Hey. Nigga, so. One man alone, I push a hump in a yo. No back a man, no jump in a yo. Kinda college, it's no final up in a yo. No man never broke up, no stump in a yo. All jump toward and all him a bill for yo. Insurgents, them all a kill for yo. Man all a take price a bill for yo. Congress a pass all bill for yo. Yes, Taxel. Debbie said tight Kitty Simone. Say she really come over cause I'm home alone. Me a high tall Jackie, me no use the stone. Mix up me baba roots with me tiger bone. She start play sweet song by me saxophone. See a man something that she wear black and a moon. And she can't remember when the last time she grown. When she meet me, she woke up in a danger zone. Now she all over me like she name cologne. Want me dunk? Like a Karl Malone. She said the black are the berry, be at the seat of the cone. Me at the king, you are the queen, so sit down for your throne. One man alone, I push a hump in a yo. No back a man, no jump in a yo. Kinda college, it's no final up in a yo. No man never broke up, no stump in a yo. All jump toward and all him a bill for yo. Insurgents, them all a kill for yo. Man all a take price a bill for yo. Congress a pass all bill for yo. You want leave, hold on baby, let me talk to you. Oh, you feel even now you have up the crazy glue. Heart a beat, knees weak like she gone for two. Me boo, my yanny have me name tattoo. Who a go give me chicken soup when me catch the flu? Who a go give me sweet loving when me drink me brew? Tell her you alone me want, me no need no crew. I know much more things me have to prove to you. She a leave, use the key lock the door no blue. To you see me bust a hug pan Susie Q. She's an awesome artist, that's what we do. And I never ever planning on using you. Hey. One man alone a push a hump in a yo. No back a man a jump in a yo. Kinda college is no final up in a yo. No man never broke up, no stump in a yo. All jump toward and all him a bill for yo. Insurgents them all a kill for yo. Man all a take price a bill for yo. Congress a pass all bill for yo. One man alone a push a hump in a yo. No back a man a jump in a yo. Kinda college is no final up in a yo. No man never broke up, no stump in a yo. All jump toward and all him a bill for yo. Insurgents, them all a kill for you. Man all a take price a bill for you. Congress a pass all bill for you. One man alone a push a hump in a yo. No back a man a jump in a yo. Kinda college is no final up in a yo. No man never broke up, no stump in a yo. All jump toward and all him a bill for you. Insurgents, them all a kill for you. Man all a take price a bill for you. Congress a pass all bill for you. Cause the drum goes boom, boom, boom, boom. Razz FM.